gardant fort au fond des criques. J'ai fait la cour à les murets, j'ai fait l'amour. À la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. Sous tes gants de crin, j'ai un peu, je tremblais. Je chavire l'indécision, puis la peur. cocaïne dans les veines. Sans dire un mot, l'horizontale, la verticale, on lui donnerait tout ce qu'elle veut, un truc brutal. Du moment qu'on est dans ses yeux, l'indécision et puis la peur de se brûler de l'intérieur. Un vent violent qui nous amène de la cocaïne dans les veines. Dans son regard, et se dire qu'il n'est pas trop tard, et que ce n'est pas la mer à boire. Écoutez, j'arrête. Un essieu est cassé et le cercle des roues ballotte. Ces roues, on ne les a jamais graissées, alors elles grincent. Elles grincent. Une chose horrifique va arriver.

tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Alors, ce soir, j'utilise un casque que j'ai pas l'habitude d'écouter, donc ma voix est un petit peu différente. Je vais m'y adapter au fur et à mesure de l'émission. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'émission numéro 538. Et nous avons des invités ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors, depuis le début de l'année 2023, hein, c'est l'année dans laquelle nous sommes actuellement. Ça ne sera pas encore depuis à peu près un mois. Donc, le 6 janvier, nous avions reçu Alex Lebaï ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le 20 janvier, nous avions deux gigs. Voilà, ils étaient venus ici pour nous présenter ce nouveau groupe, donc avec quelques membres qu'on connaissait déjà. Le 27 janvier, c'était donc la semaine dernière, nous avions ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel notre amie Elsia, puisqu'elle était déjà venue dans une émission, ça remonte déjà il y a pas mal de temps, je crois que c'était en 2017-2018, et donc elle est revenue à nouveau puisqu'elle a sorti un nouveau single et des nouvelles vidéos aussi, et bientôt il y aura un album. La semaine prochaine, nous recevrons ici dans les studios Radio Arc-en-Ciel une nouvelle fois. Donc ça sera la première fois pour moi, ça sera les Oreilles qui saignent. Donc un groupe que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, c'était au Son des Blés, voilà, le festival des Sons des Blés. Alors je les connaissais déjà un petit peu, pourquoi ? Parce qu'un jour j'avais cherché une chanson de David McLean et je me suis rendu compte que les Oreilles qui saignent reprenaient justement un de leurs morceaux. Et quelques temps après, je les ai vus sur scène et j'ai pas pu résister à l'envie de les inviter dans l'émission Mavrika. Donc le 17 février, c'est bien ça. Ils seront ici dans nos studios. Le 24 février, nous recevrons un groupe qui viendra spécialement de Paris. Il s'agit de Anaïs from Paris, comme son nom l'indique. Et donc, ça sera une découverte pour nous. Je vous ai déjà diffusé quelques morceaux hein, qu'on va pouvoir redécouvrir à nouveau. Et on découvrira donc tout l'univers de Anaïs from Paris. Le 3 mars, on arrive déjà au 3 mars, il y aura une découverte dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Moi, les découvertes, je les ai fait hier. Donc, c'était un petit, franchement, un bon coup de cœur. Alors, ça fait plaisir de voir des jeunes artistes comme ça qui ont mis le feu hier, c'était au Bouillon. Il s'agit du groupe Ombrage, donc première découverte, premier contact hier soir avec eux, et ils seront donc avec nous pour nous présenter leur musique. Et justement, ils étaient en avant-première d'un groupe qui s'appelle les Full System, et les Full System, comme par hasard, ils sont là la semaine d'après, donc le 10 mars. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh ben, nous avons des invités dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, mais je vous fais patienter encore un petit peu. Depuis le début de l'émission, on a écouté plusieurs morceaux. On a commencé avec notre ami Lex Max Livio et les Boubous All Star avec une reprise de Alain Vachung qui s'appelle La Nuit Je Mens. Le groupe Arcadia, voilà un groupe qui est en stand-by actuellement, hein, je ne sais pas s'il reprendra, mais en tout cas un groupe qu'on avait suivi pendant pas mal de temps et qu'on appréciait beaucoup. Donc on avait envie d'écouter un petit morceau bien sympathique qui s'appelle La Verticale, et c'était donc le groupe Arcadia. Depuis quelques temps, je vous ai fait découvrir l'artiste parisienne qui s'appelle Lia. On a écouté à plusieurs reprises un morceau qui s'appelait Tired, et aujourd'hui eh ben, on découvre ensemble un deuxième morceau qui s'appelle Running in Cycle. Juste après, on a écouté aussi les Frères Tyran avec, c'est un groupe de Rennes, si je ne me trompe pas, qui nous envoient assez régulièrement leurs morceaux. On a écouté un morceau qui s'appelle Le Bonimenteur, et à l'instant, c'était donc le groupe Soul Full System avec le morceau L'Heure Bleue. Voilà, vous êtes dans l'émission Mavrika, je vous l'ai dit, c'était l'émission numéro 538, et nous recevrons ce soir The Brunettes. We'll be right back. Alors ça, c'est la petite musique pour vous dire qu'on va dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Nous avons des invités, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est vrai que habituellement, c'est 2, 3, 4 personnes. Et là, depuis le début de l'année, je crois que c'est la fois où on a le plus de personnes dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Les brunettes sont présentes. Voilà, on monte les micros et puis on va commencer à discuter tous ensemble. Parce que le but de l'émission, c'est justement de connaître tout l'univers des brunettes. Salut les filles. Bon, salut Adino. Oh là là, il y a de la voix. Bon, on va régler au fur et à mesure les potentiomètres, hein, effectivement, il faut adapter à chaque voix. Mais bon, ça va le faire, je pense. Voilà. Donc les brunettes, la première fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Pourtant, on se connaît déjà depuis pas mal de temps, parce que moi, je vous suis pratiquement depuis le début. Hein. C'est vrai que je vous ai déjà vu plusieurs fois en concert, et à chaque fois, c'est mieux. Deux fois de plus en plus, hein, de à chaque fois. Donc, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était au Dropkick. C'est ça. Il me semble. 10 décembre. C'était au mois de décembre. Au mois de décembre. Et vous étiez avec un autre groupe. C'est ça, avec les Dynamic Checkers. Ouais, Dynamic Checkers, voilà donc les très bien. Petits jeunes, le tour, trop mignon. Voilà, vous avez sûrement joué déjà avec plusieurs artistes différents, on en parlera tout à l'heure, parce que vous connaissez quand même pas mal de monde, vous faites pas mal de concerts, vous avez rencontré plein de groupes, certains qu'on connaît, d'autres qu'on connaît pas, donc ça sera l'occasion de découvrir. On va d'abord parler des brunettes. On dit The Brunettes ou on dit les brunettes tout simplement dans le langage courant. On peut dire les deux, mais le nom officiel c'est The Brunettes. The Brunettes, voilà, très bien, c'est bien ce que j'ai marqué sur l'affiche. Donc, vous êtes composé, c'est un groupe qui est composé de 6 filles, hein, voilà, c'est 6 ça, personnes. Ouais. Donc, aujourd'hui, vous êtes ici au nombre de 5. Ouais, c'est ça. Alors ici, vous avez donc les deux chanteuses, Astrid et moi-même, Morgane. On a la bassiste Christelle, on a notre batteuse Chouchoute et notre guitariste Lumine. Pardon. Et notre guitariste Hélène. Et malheureusement, notre deuxième guitariste Mylène, n'habitant pas à proximité, n'a pas pu venir ce soir, mais je sais qu'elle n'est pas très loin de sa radio. Elle travaille demain. Voilà, donc c'était pas évident de rassembler tout le monde. Et c'est vrai qu'on avait prévu, on s'est dit, tiens, dans le studio, il y a, déjà, il a fallu trouver 5 casques, 5 sièges. On a voilà. et donc, on y a réussi. Donc là, maintenant, on va découvrir un peu tout le groupe. Alors, le groupe, il existe depuis combien de temps? Depuis 2017, à peu près. 2017. Ouais. Donc ça a été au mauvais moment, juste après il y a eu le Covid, donc le temps d'être au point, et puis vous commencez à faire les premiers concerts, et puis là il y a eu le Covid, donc il y a eu une interruption. Là vous avez repris aussi les concerts, donc ça commence à venir de plus en plus. Comment vous êtes rencontrés? Alors on se connaissait tous un petit peu, on était copines en fait. Et puis chacune d'entre nous, on avait un peu des envies de musique. Et puis on a partagé un peu nos souhaits de musique. On a commencé petit à petit, peut-être sans y croire tout à fait au début. Et puis ça a matché entre nous. Et puis on s'est mis à se voir très régulièrement pour travailler ensemble. Et on s'est pris au jeu, ouais. Ouais. Super, alors voilà, c'est pour le plus grand plaisir de tous les gens qui vont vous voir, hein, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui vous connaissent, qui vont vous voir en concert. Donc vous êtes rencontrés dans quelles conditions? Vous connaissiez déjà ou... En fait, Céline et moi c'est Christelle, on faisait de la musique ensemble dans une école. Et donc on démarrait, hein. Jouer, hein. On s'est retrouvés sur un atelier proposé aux élèves. Et puis après, Hélène, elle s'est mise à la guitare. Voilà, et puis c'est là qu'on s'est dit qu'on pouvait peut-être jouer ensemble. Enfin, c'est plutôt Chris des Chili Dogs, hein, qui nous a lancé un défi. Oui, sous forme d'un... Ouais. Pour une soirée. Sinon, je crois sinon on serait peut-être pas là. Non, pour une soirée, comme voilà. Chris des Chili Dogs, d'ailleurs, que j'ai eu hier au téléphone, on a discuté un petit peu, il nous a envoyé aussi des fichiers qui vont nous permettre d'illustrer un petit peu cette émission, et que je salue bien bas, parce que c'est une personne qui fait déjà partie de la Mavericas Family, il est déjà venu ici avec Chili Dogs, puis d'ailleurs, dès qu'ils veulent, ils reviennent, hein, c'est toujours un plaisir de les voir sur scène et de les recevoir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Je sais qu'ils nous écoutent, donc on lui fait un petit coucou à notre ami Chris. Salut Chris. Salut Charlie. C'est vrai. Ah ouais, d'accord. Non, c'est Charlie. Notre Bastelet. Ouais, effectivement, ça, il y a les filles, voilà, les filles comme dans les drôles c'est de. Ça. C'était comment les drôles de dames. Voilà, ouais, drôles ouais. de dames. Effectivement, ça rappelait un petit peu. Bon, ça, elles étaient moins nombreuses quand même. Ok, donc vous avez, c'est vrai que le milieu du rock and roll, c'est comme un milieu d'hommes, hein, non ou ça va, vous êtes bien. Ah, oh, c'est un milieu d'hommes, mais non. Pas que. Non, mais pas que. Non, mais c'est ce que je voulais vous entendre dire. Non. On est très bien accueillis. C'est justement à chaque fois qu'on rencontre les groupes, très souvent masculins, effectivement, mais ils sont contents de nous voir arriver. Ah oui, je suppose. Je pense qu'on dépayse un petit peu leur train-train de concert, en tout cas. Mais en tout cas, au niveau du bruit. Ouais, c'est ça. Les oreilles. Quand on arrive, s'ils veulent se concentrer, c'est un petit peu compliqué. Mais non, ils ont plaisir à nous voir, ils sont contents en général. Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Oui, je pense que maintenant c'est rentré dans les mœurs. C'est vrai qu'à une époque, effectivement, le rock'n'roll, il n'y avait que des hommes. Hein. Il n'y en avait pas. Après, il y a eu la période des années, c'était les années quoi, fin 70, 80, avec Blondie et les Pretenders. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Les Runaways. Pas de Benatar, ouais, les Runaways. Voilà, il y a eu pas mal de groupes de filles comme ça. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu courant, hein, non ? Des filles dans le rock, c'est courant. Alors, ouais, un groupe essentiellement féminin. Ouais, et dans la région, ouais, je crois que vous devez être les seuls. Et alors souvent, il n'y a pas de batteuse. C'est vrai qu'il y a des groupes avec des filles, mais voilà, on a Céline. Là, c'est vrai qu'on a quand même la spécialité, spécificité en tout cas, d'être uniquement féminine dans le groupe. Et ça se passe très bien, contrairement à ce qu'on a pu nous demander un jour. On s'est dit, mais un groupe de filles, c'est compliqué entre vous ? Non, vraiment, non, pas du tout. C'est un petit clin d'œil à une question journaliste qui cherchait la bagarre, peut-être. Ouais. Parce qu'on va dire, les filles entre elles, elles scrapent le chignon, tout ça. Mais exactement. Non. Ben, non. Et pas du tout. Je pense qu'il a reçu sa réponse, il a compris. Ok, donc voilà. Donc ça se passe bien, vous vous retrouvez. Bon, au début c'était pour la musique peut-être, et puis maintenant vous êtes une bande de copines, vous êtes contente de vous retrouver. Ah oui, alors c'était pour la musique, pas du tout. Mais c'était déjà loisir, le plaisir de se retrouver aussi le vendredi soir pour. Et puis faire de la musique aussi à côté. Mais Il n'y a pas que la musique aussi. Y a pas qu'à on apprécie, enfin, on adore se retrouver. C'est devenu de plus en plus sérieux. C'est vraiment du loisir au départ. Et puis c'est devenu. Pas parce qu'on travaille, on travaille bien toutes les semaines aussi. Et toutes les semaines. C'est vrai qu'au début, pour la musique, il faut déjà être un petit peu doué au départ. Il faut déjà apprécier la musique. Pas forcément. C'est que du travail, que du travail. On est parti de rien. Oui, c'est du travail, travail. Bah oui, c'est vrai que le travail, finalement. Mais bon, je pense qu'au départ, il faut quand même quelque chose, une étincelle pour pouvoir créer un groupe. Vraiment, on s'entend bien ensemble. C'est tellement facile aussi de progresser avec ses copines et puis C'est vrai quand il y a une complicité comme ça c'est beaucoup plus facile hein, donc le vous regardez vous dites tiens on va jouer tel morceau ça va très vite maintenant vous comprenez bien on a notre code. Ok, donc vous êtes un groupe qui fait des reprises et des compos. Voilà, on a quand même 8 compos je crois d'ailleurs que tu as 2 compos dans tes tuyaux. Oui, je dois même en avoir 4, hein, il me semble. Hein. J'ai regardé tout à l'heure parce que. Ah oui, 3. Donc tout est possible. Et puis, des covers qu'on choisit aussi ensemble. Donc ça fait un beau petit set. De toute façon, on va présenter les morceaux au fur et à mesure. Vous allez nous dire si c'est des compos, si c'est des reprises, etc. Vous avez aussi apporté des morceaux d'autres artistes. Oui, des artistes dont on a repris quelques chansons. D'accord. On voulait présenter plutôt la version originale. Originale aussi, parce que c'est vraiment ce qui nous rassemble aussi entre nous. C'est les choix qu'on fait, c'est ce qu'on écoute aussi. À côté, c'est un peu nos influences pour nos compos et pour les concerts. La musique que vous faites, c'est vraiment la musique que vous écoutez aussi chez vous quand vous êtes, ou alors vous écoutez d'autres choses. Vous êtes ouverte à toutes les autres tendances musicales. On a une petite blondinette qui est ouverte à. Oui, moi je suis très variété française. Donc c'était pas du tout mon univers, mais enfin j'écoutais quand même avec Christian. On t'a initié. Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup. De faire ce qu'on aime, quoi. C'est ce qui nous réunit, là. Tout à fait. Ouais, mais il y a aussi des artistes qui disent, voilà, moi, j'écoute plein de choses différentes, mais ce que je fais, moi, est différent de ce que j'écoute. Voilà, et après, je sais pas. C'est ce que j'ai déjà entendu ici dans l'émission Mavrika. Donc, effectivement, il peut y avoir aussi des gens qui écoutent autre chose, mais ils ne savent faire que ce style de musique-là. Donc, ils le font sans arrêt, quoi. Voilà. Très bien. On commence à vous connaître un peu mieux. Donc, vous êtes rencontrés en 2017, c'est bien ça. Vous avez mis combien de temps avant de commencer à faire quelques concerts? On a commencé un an, je pense. Je pense que le premier. Ah oui, on avait joué au Dropkick en 2018. C'était avec Joe Stone Traffic qui nous avait fait jouer. On avait joué au groupe de bikers chez les Jements Balek. C'était notre première scène. Je pense que ça a lancé l'histoire. Très bien, donc les Jements Balek, un endroit bien sympathique. C'est vrai que moi j'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois et beaucoup de groupes de la région y jouent et on est super bien reçus, il y a une super ambiance. Franchement, moi à chaque fois que j'y vais, c'est toujours un plaisir. Ils ont eu confiance, c'était ce que c'était, mais en tout cas on l'a fait avec une position, on en est contente, on est contente du chemin qu'on a fait jusque-là. Ouais. Mais c'est vrai que merci à eux parce qu'ils ont lancé l'histoire des Brunettes. C'est vrai. Vous en êtes à combien de concerts aujourd'hui? Plus d'une vingtaine. Plus d'une vingtaine. À peu près. La plupart se sont passés dans la région ou des fois vous vous déplacez aussi aux États-Unis? On en revient d'ailleurs. C'est ça on a un peu le décalage horaire là. On en revient tout juste. On part demain après. Alors moi je prends pas l'avion les filles. Je suis revenue en bateau. Pour l'instant on est resté sur la région centre, mais on est allé en Bourgogne quand même. On a fait une date en Bourgogne, c'était sympa. Donc souvent dans le 45, dans le 41. D'ailleurs demain on joue à. À la Grange. Donc dans le 41 et on a encore une belle date aussi à venir le 11 mars à Blois. On peut parler tout de suite des dates. On va les rappeler au fur et à mesure de l'émission. Demain à la Grange, nous jouons et puis on prépare vraiment un gros concert le 11 mars. On a la chance de faire la première partie de Courette. Donc c'est un concert qui est organisé par l'association Roxette de Blois. Très bien, très sympa. Ils sont venus ici déjà aussi. Ils sont super sympas. On avait déjà eu l'occasion de jouer avec eux et enfin très bien accueillis également et ils nous font confiance pour cette superbe date là, donc à la Maison de Bégon, l'association de la Maison de Bégon. C'est dans le cadre de la semaine Elle, justement, on parlait des filles dans le rock et donc c'est tout une semaine où il y a plusieurs manifestations dans le cadre de la journée pour les droits de la femme. Donc on va clôturer la semaine Elle en première partie de Deux Courettes. On en est très fiers et très contentes en tout cas. C'est le 11 mars à 20h30. Le 11 mars. À Blois. À la Maison de Bégon. Voilà. Ok. Et puis demain, vous jouez avec un autre groupe. Oui. Le groupe des Rapades qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps. Voilà. Voilà, des gens qu'on connaît depuis pas mal de temps et qu'on suit aussi. Vous les connaissez déjà, non? Non, on a hâte aussi. On a entendu parler d'eux. Oui, c'est sûr, on est très contents de partager la scène demain avec eux. Ça va être une belle soirée à la Grange. On va vraiment bien s'amuser. Ok, donc le rendez-vous est pris. Ça commence à quelle heure demain? 21h. 20h30. Ah, mince, 20h30. Ouais, ok. De toute façon, dans les concerts, c'est jamais vraiment à l'heure. Et souvent, on attend un petit peu plus. Voilà, c'est pour, ça, pour on dit 20h, comme ça, on est sûr que tout le monde... Je crois que c'est presque blindé, non? Ouais. Voilà, c'est sur réservation. C'est sur réservation. Ça vaut déjà le coup d'appeler quand même, ouais. Et puis voir s'il y a de la place, mais en tout cas... C'est 21h. Ce qu'on va faire, on va écouter un premier morceau de vous. Donc, le premier morceau que vous avez choisi. Alors, on va quand même indiquer que vous êtes en enregistrement actuellement. Que les enregistrements qu'on va écouter ce soir ne sont pas les enregistrements définitifs. C'est des enregistrements qui ont été faits en live. Donc, c'est fait pour faire découvrir le groupe. Ouais, ouais. Mais il y aura les enregistrements définitifs qui seront bientôt mixés, qui seront masterisés, etc. Donc, c'est ce que nous a expliqué notre ami Chris. Et justement, ce sera peut-être l'occasion de revenir le présenter, cet album-là. Voilà. Donc, le premier morceau s'appelle... C'est The Brunette qui interprète The Brunette. C'est ça. D'accord. C'est une petite présentation, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Parce que, effectivement, moi, j'ai mis Brunette, mais je le savais pas parce que c'est écrit comme ça dans le fichier. Mais donc, je recorrigerai donc le programme. J'y tiens bien, oui. Ah, bah ouais. Non, je fais aussi des bêtises, hein. Et ça m'arrive des fois de me tromper, hein. Et des fois, c'est même pas moi qui me trompe parce que la dernière fois, j'ai eu une petite remarque. On disait, tous les titres que t'as écrits, ils ont dû être corrigés par, ton téléphone, etc. Et donc, les titres ne correspondent pas du tout. Et après, je me suis dit, j'ai regardé les titres, j'ai dit, ouais, je me suis peut-être trompé quelque part. Et non, c'était la personne qui me l'avait dit que c'était dans son téléphone qui les corrigeait. Ah, et du coup, il n'avait pas les bonnes indications. Voilà, donc on va écouter le premier morceau. Dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, nous avons les Brunettes pour cette émission numéro 538. Nous allons écouter le premier morceau qui s'appelle The Brunettes. We're not afraid. Voilà, on a écouté deux morceaux à la suite. Le premier, c'était The Brunettes avec The Brunettes. Et juste après, c'était les Bad Sheep, un groupe qu'on doit recevoir bientôt dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. La date n'est pas encore fixée, mais ils viendront très bientôt. D'ailleurs, on a reçu le batteur il y a pas très longtemps dans le studio. Et le morceau, c'était Broken Heart. Nous sommes dans l'émission Mavrika, c'est l'édition numéro 538. Et nous recevons les Brunettes qui sont là dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc, on va continuer à découvrir leur univers. Alors tout à l'heure, effectivement, on a eu un petit coup de téléphone d'une personne qui s'appelle Chris, mais c'est pas la même que vous pensez. Voilà. Et effectivement, on parlait tout à l'heure d'un Chris, et là, il y en a un deuxième qui nous a appelé. C'est Christophe du groupe Prisma. Je sais pas si vous le connaissez. En tout cas, il vous salue et puis il écoute l'émission. Voilà. Oui, donc, c'est sympa. Donc ouais, voilà, il vous passe le bonjour et puis à l'occasion, il aimerait bien vous rencontrer lors d'un concert et peut-être aussi participer à un concert avec vous, voilà. Bah, donc, pourquoi pas, avec voilà. Plaisir. Voilà, moi j'aime bien justement quand les gens se rencontrent et grâce à l'émission Mavrika et grâce au Mavrika Live aussi qu'on organise assez régulièrement, on peut dire que voilà, j'ai permis pas mal de rencontres et puis même des groupes se sont composés. Il y en a un qui s'était composé en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'était Guillaume Mandra qui était venu. C'est dans l'histoire du rock'n'roll d'Orléans. Il était venu dans les studios. Il a dit voilà, moi je fais des chansons. Il nous avait interprété plusieurs. J'aimerais trouver des musiciens. Et donc il a trouvé des musiciens grâce à l'émission Mavrika et quelques temps après il est venu ici et le groupe s'est composé dans l'émission Mavrika pendant une émission, donc ça c'est formidable, ça fait partie de l'histoire. Malheureusement le groupe n'existe plus aujourd'hui, mais bon, il avait quand même sévi pendant quelques années et puis on les avait suivis avec beaucoup de plaisir. En tout cas voilà, donc c'était notre ami Chris de Prisma et qui organise aussi des concerts régulièrement. Et on parlait tout à l'heure du Mavrika Live. Alors le Mavrika Live, bonne nouvelle, ça repart, parce qu'on avait dû annuler en 2020 au mois d'avril. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le Covid, voilà, pour ceux qui s'en souviennent déjà plus. Et aujourd'hui, on a décidé de reprendre donc les Mavrika Live. Alors on n'avait pas réservé les dates à l'avance, on n'avait qu'une date de disponible, c'est le 10 juin. Donc on va le faire le 10 juin, ça, c'est pas un souci. On avait repris l'affiche et dans l'affiche on a demandé aux artistes qui étaient sur la première affiche, ils ont tous répondu OK. Donc voilà, c'est maintenant sûr, c'est certifié. On a la date, on a les techniciens, on a la sono, on est en train de préparer ça. On a encore un petit peu de temps. Donc à l'affiche, il y avait en interscène le groupe Douk. Je ne sais pas si vous les connaissez. Non, c'est un duo ou un trio, suivant les configurations, que nous avons déjà reçu à deux reprises ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc ils seront en interscène, ils seront à côté du bar, ils vont jouer pendant que nous on prépare la scène suivante et ainsi de suite. Et on aura aussi Melody Road qui sera donc dans le Mavrika Live numéro 12, si je ne me trompe pas. Il y aura un autre groupe qui s'appelle Custom, qu'on n'a pas encore eu l'occasion de recevoir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, mais qu'on a déjà diffusé quelques morceaux. Et il y aura aussi un groupe, je pense que vous le connaissez un petit peu, il s'agit du groupe Yeti. Donc c'est sympa, c'est vrai. Enfin, ça dépend des fois. Toujours de leur faute. Voilà, donc les Yeti, un groupe qu'on suit déjà depuis pas mal de temps. C'est vrai que je les avais vus la première fois. C'était encore l'infrarouge, il me semble. Donc ça fait un petit moment. Et puis ils sont déjà venus deux fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et cette fois-ci, maintenant, ils vont encore un peu plus loin. Ils participeront au prochain Mavrika Live. Super. Donc ceux qui aiment moi j'adore ce groupe là. On écoutera peut-être un petit morceau tout à l'heure. Parce qu'on prévoit plein de choses dans l'émission et puis des fois les 3 heures passent tellement qu'on n'a pas le temps. On dit tiens, on est arrivé à la fin de l'émission, on n'a pas eu le temps de passer ça. Bon, on le garde pour les fois suivantes, c'est pas un souci. Voilà, surtout que la semaine prochaine, il n'y a pas de groupe prévu. Donc il est encore temps d'ici dimanche, lundi, il est encore temps de s'inscrire si vous voulez venir. Et si vous venez pas, c'est pas bien grave parce que ce que je vais faire c'est justement diffuser tous les morceaux que les artistes qui sont venus dans l'émission Mavrika nous ont laissés. Donc ça nous donne un peu plus de temps pour réécouter des morceaux que nous avons un paquet immense dans nos disques durs. Voilà. Donc les Brunettes avec le morceau The Brunettes. Alors ce morceau-là, c'est une reprise ou une compo? Alors, à ton avis. La vache, on a trouvé la couverture qu'il fallait. Non, c'est une compo et effectivement, c'est une de nos premières compos, forcément. Elle n'était pas tout à fait dans cette version-là au tout début quand on l'a jouée. on la trouvait pas assez péchu, pas assez rock. Donc c'est vrai que ça, il y a deux ans, il y a peut-être deux ans, on l'a, allez, on a rebattu les cartes, on a gardé les paroles et puis on a changé la version de cette compo. Voilà. D'accord. Et les compos, comment ça se passe? C'est d'abord la musique, d'abord les paroles? Ça dépend. Ah, il n'y a pas de recette. Non, il n'y a pas de recette. Pour les brunettes, c'était plutôt. Elle a été modifiée. Donc, c'est plutôt instrumental, un départ instrumental, souvent de guitare. Et puis, il y a la chanson 21 qui est aussi. On ne te l'a pas proposée, mais là, par contre, ça commence par le texte. Effectivement, c'est un texte qu'on avait reçu. Et on a fait la musique après. Donc, tu vois, c'est assez. Les entrées sont différentes. Ouais, voilà. De toute façon, quand il y a une recette, ça marche une fois, deuxième fois. Donc à chaque fois, il faut changer la recette si on veut que ça continue à fonctionner. Et tu m'as parlé aussi en disant que vous aviez reçu un texte. Ça veut dire les textes, qui c'est qui vous les fait? les brunettes composent, mais ce texte-là, c'est l'histoire, il a été un peu remanié, mais effectivement, je pense à Olivier Rigaud qui nous avait écrit un premier texte, qui est un ami que Chris d'ailleurs des Chiliques connaît très bien. Et il avait écrit un texte et il nous avait dit tu en feras tu le modifieras. Et puis c'est vrai qu'on a fait. On l'a laissé, on l'a pris et puis on a fait la chanson après, c'est venu après. On a modifié pour que ça calme bien et voilà, le morceau 21, c'est dommage, celui-là on ne te l'a pas proposé. Non mais ça sera pour une prochaine fois. Voilà. Faut en garder aussi pour les prochaines fois. Voilà. Même s'il y a de l'actualité entre deux émissions, voilà. Moi j'aime bien justement quand je reçois des groupes et puis quelques temps après ils repassent dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. D'ailleurs ça sera le cas avec les Full System, je les ai vus hier au Bouillon et là ils viennent de sortir un album et ça fait un petit moment que je les avais pas vu. Et en plus, c'est un groupe que j'avais suivi pendant un certain temps, donc ils étaient venus dans les studios. Ils m'avaient invité aussi à une répétition, donc c'était à Polysonic, et j'avais assisté. C'est drôle pour moi qui suis un petit peu étranger à la musique. J'arrive, dans une pièce, ils répètent devant moi, et on assiste vraiment à quelque chose de formidable, qui normalement reste dans le secret, quoi. C'est entre eux. Mais là, j'ai vu que, et puis toujours un plaisir de les recevoir à nouveau, donc ils vont nous présenter leur nouvel album. Voilà. Et puis vous, c'est pareil, donc ce soir c'est de la découverte, vous rentrez dans la Mavericas Family, et dans quelques temps vous reviendrez dès que vous voulez, il n'y a pas de souci, hein, comme les Yeti, comme beaucoup de groupes. Les Sheepdogs, je les ai reçus qu'une seule fois, mais j'ai vu Chris et je lui ai dit il va falloir que vous repassiez aussi, hein, parce que franchement. Et en plus. Ouf, tu sais pas ce que tu perds. Et en plus, c'est vrai que les Chili Dogs, c'est peut-être un de mes groupes préférés aussi. Hein. Je vais quand même l'avouer, il y a certains groupes que je préfère. Hein. Et assez régulièrement, on passe des morceaux. Et j'ai calé d'ailleurs sur une des platines un de leurs morceaux. Voilà. Alors, vous avez fait aussi des concerts avec d'autres artistes. On a commencé à en parler. Quels sont les artistes que vous connaissez? On a parlé des Yeti. Vous avez déjà partagé des scènes avec eux. J'ai vu des photos. Alors, les Yeti, on est. Ça, c'est le frigo. Ça, c'est. On est tout un. On a un local en commun. Un local commun qu'on appelle le frigo, un collectif, effectivement. Okay. Avec les Yeti, les Chili Dogs, les BBB, les VPC, les Strax. La famille est au complet ici. On a l'occasion de se voir régulièrement et d'assister aussi à des répétitions. Et puis. Voilà, c'est une petite émulation entre nous. On va se voir. C'est pour ça qu'on peut aussi composer. C'est parce qu'on a des précieux conseillers à côté et qui nous aident. Et on a joué aussi avec eux. Pour les Yeti, je pense que notre première rencontre, elle est mémorable parce qu'on a fait un concert ensemble. Ça ricane, mais bon. Les Yeti comprendront très bien le contexte. C'était un concert avec une super ambiance, très chaude ambiance à Noyers-sur-Cher. Voilà. Et depuis, c'est vrai qu'on se quitte plus avec les Yeti non plus. On se croise régulièrement, on est très copains depuis. Et puis en plus, ils font du bon son. Moi, j'aime bien ce qu'ils font. Puis c'est vrai que c'est un groupe qui a déjà pas mal d'expérience et tout ça, et qui font du rock assez péchu, et aussi le petit côté opposite aussi, un petit peu comme les Burning Heads avec du reggae, des rythmes comme ça. Donc et puis. Cassures. Ouais, voilà. Donc, les Yeti, voilà, un groupe qu'on continue à suivre et qui viendront quand ils voudront dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et peut-être plus tôt que prévu. Voilà. D'autres groupes encore que... On a joué avec les Patients Z plusieurs fois aussi. Patients Z, aussi. Ouais. Ça fait un petit moment aussi qu'ils ne sont pas venus dans les studios. Hein. Ils très sont sympa. On les a reçus qu'une seule fois. Beaucoup. Bah oui. Oui, oui. Bah d'ailleurs, on va peut-être bientôt les rencontrer parce que avec leur l'association des accordés de Bruno, du bassiste des Passions Z, il organise un petit festival de groupes locaux le 2 et 3 juin au Dropkick. Et nous avons répondu présente, donc ça s'organise. C'est un projet qui va se concrétiser avec. Donc une belle idée en tout cas de réunir des groupes locaux, les groupes du frigo en tout cas, ils seront présents. Très bien. Donc avec les Patients Z, aux côtés des Patients Z. Voilà les Patients Z, en plus qui ont une particularité, c'est qu'ils ont des chansons qui sont modulables. Et suivant ce qu'on leur demande, ils peuvent changer l'ordre des couplets, etc. Et des phrases musicales, ils ont des phrases musicales qu'on peut... Ouais. Et donc ça c'est vraiment leur particularité. Et puis c'est vraiment... un groupe à aller voir sur scène, quoi, en tout cas. Voilà. Ouais, très bien. Fait. Vous êtes plus un groupe de scène ou un groupe de studio, là, maintenant que vous avez fait un peu les deux? On aime bien la scène. La scène, c'est ce qui nous plaît le plus. Ah ouais. Le partage aussi avec le public, quoi. Ouais, il y a un partage. C'est ce qui nous motive aussi. C'est vrai que c'est deux choses différentes. Elles sont très bien aussi. Mais c'est vrai que le contact avec le public, c'est quand même. Ça donne plus de pêche, ça donne plus. Voilà. C'est... Mais le studio aussi apprend à nous réapproprier aussi nos morceaux. Ça fait un travail différent. Puis ça peut aussi servir. Ça fait progresser. Ça fait servir le live aussi. C'est bien. Parce que là, vous réécoutez, vous retravaillez, il faudrait qu'on fasse différemment, etc. Puis le son aussi, parce que vous travaillez finalement la musique, vous jouez de l'instrument, mais aussi vous réécoutez. Donc le son, après, des fois, il doit être retravaillé. Vous êtes bien suivi par de bons techniciens. Ah oui, justement, oui, les enregistrements qu'on a fait avec le Sonic Studio, qui fait aussi partie de notre grande famille du frigo. Franck, Nono, Vévé et Chris aux manettes. Et, on est bichonnés à chaque fois pour enregistrer. Bichonnés. Petit clin d'œil. Donc le Sonic Studio, qui s'occupe de nous pour nos enregistrements et de fins conseillers aussi, évidemment, pour nos compos. Très bien. D'autres groupes encore que vous avez pu rencontrer, de la région ou d'ailleurs, même des fois, on aime bien aussi découvrir des nouveaux noms. Non. Les VPC aussi. Les VPC, alors on va continuer avec la famille. Mais c'est bien parce que c'est vrai que moi je les connais, je les ai déjà vus sur scène, mais je les ai pas encore reçus, donc c'est aussi l'occasion pour eux de, s'ils ont envie de venir, de caler une date. Ils adoreront venir, ça j'en suis sûr. Ils sont. Alors les VPC en plus, ils reprennent des morceaux, si je me trompe pas, des années. C'est pas, c'est 80 à peu près, non? Oui, c'est voilà, ça. C'est alors, ça. C'est du... Donc. Du rock, des super morceaux. Et c'est vrai que c'est des morceaux, on oublie un petit peu qu'il y avait du bon rock à cette époque-là, parce que on parle des années 80, on parle tout de suite le disco, le funky et tout ça, mais il y avait aussi des bons groupes de rock, et moi je sais que j'avais assisté à un concert, et j'étais contente de réécouter ces morceaux-là qu'on avait un petit peu oubliés, voilà. Et donc les remettre en valeur, c'est je crois que c'était bien. C'est ce qui se passe dans la tête des gens quand ils les écoutent, on les avait oubliés ces morceaux-là. C'est vraiment dommage, parce que... Voilà. Ah oui, on a joué aussi avec les Twister Covers. Les Twister Covers, oui. Voilà, ils sont très sympas. C'est un peu le même. Enfin, ils font des compos et des covers. Et, enfin, on aime bien ce qu'ils font. Oui, on aime bien. C'est un bon groupe. Twister Cover que j'ai reçu il y a assez longtemps quand même, ça fait un petit moment, avec notre ami Gwen. Voilà. GG et Nicolas. Ouais, et puis c'est vrai que c'est des pointures, il y a des musiciens qui jouent depuis très longtemps. Franchement, avec les privés, avec les privés, c'est ça. C'est vrai que ça fait partie des groupes qui existaient, les premiers groupes de rock de la région orléanaise, qu'on avait connu. Donc effectivement, et donc ça me ferait vraiment plaisir de les recevoir ici. Et puis donc s'ils veulent revenir, il n'y a pas de souci aussi. Voilà. On a les Strats. aussi à bout, on a joué avec eux. Ouais, c'est bah, frigo, voilà. Fabrice. Frigo, frigo, ouais. Les barricades. Les barricades, oui. Avec les barricades. Ah ouais, ouais. Les barricades, oui, c'est des amis, ils sont déjà venus deux fois ici dans les studios. On les suit depuis un moment. Ils ont déjà participé à Maverick Live aussi. Et les barricades, franchement, c'est des gens super agréables. Et moi, je me suis retrouvé dans une situation à un moment où on avait quatre groupes qui étaient prévus pour un Maverick Live. Et bah, il y en a un qui a pas pu venir au dernier moment. Et on avait peur de se retrouver à trois. Et puis après, il y en a eu un autre où il y a eu malheureusement le chanteur qui a eu une crise cardiaque et qui ne savait pas s'il allait pouvoir se remettre. Donc on s'est dit, attends, on annonce quatre groupes, on va se retrouver avec deux. Ça va pas le faire, il va falloir qu'on prévoie un groupe de plus. Donc finalement, on appelait les barricades la semaine. La semaine avant le Maverick Live, j'aurais dit, écoutez, est-ce que vous seriez prêt à venir? On n'avait pas prévu tout ça, mais là, j'ai un petit souci. J'ai peur de me retrouver avec deux groupes. Est-ce que vous pouvez venir? Et ils ont dit oui, sans hésiter. Donc, ils sont venus avec beaucoup de plaisir. Franchement, c'est des gars super, super sympas. Et du coup, bah, le quatrième groupe a pu venir aussi. Du coup, il y avait quatre groupes et on était contents de pouvoir proposer quatre groupes. Et puis, on a eu passé un super moment comme à chaque fois dans les Maverick Live. Voilà, donc les barricades, oui, c'est des amis, c'est des gens qu'on apprécie beaucoup. Voilà. Et oui, bah, tu nous dis, on avait joué effectivement avec le groupe IFP et toute l'équipe de Red Daff et Éducaisson. C'était chouette, c'était ça. Les Red Daff qu'on a écoutés tout à l'heure en début d'émission et IFP qui malheureusement n'existe plus. Ils nous l'ont annoncé. Mais je crois que certains membres veulent refaire de la musique. Je crois que Pascal fait toujours de la musique, ouais. Oui, apparemment, il préparait quelque chose, peut-être un autre groupe. Hein. Voilà, c'est pas lui qui me l'a dit, mais d'autres personnes qui m'ont dit. Voilà, donc Infernal Flash Pep. Voilà. C'est ça, IFP, qui était venu deux fois ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et que j'avais eu l'occasion de voir. Alors sur scène, c'est pareil, c'est un plaisir de les voir. Très bien. Les Bad Chips aussi que tu as cité. Les tout Bad Chips. Oui, oui, au 108, on avait avec les Pingos des filles qui nous avaient proposé de jouer avant les Bad Chips. C'est super sympa aussi. Ouais, super, j'aime bien, c'est bien rythmé et tout ça. Ah, et dans les Bad Chips, il y a aussi Guy qui est aussi le bassiste des RN6. Je ne sais pas si vous connaissez les RN6. Et tout à l'heure, je pensais aussi par rapport au groupe de filles, c'est que les RN6, je les avais vus en première partie d'un groupe qui s'appelle les Ramonas. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah ouais. Les Ramonas, c'est un groupe de filles qui reprend les Ramones. On sent tout ça. Voilà, vous avez compris. Ouais, on a compris l'idée. Et par contre, c'est vrai que si vous avez l'occasion d'aller les voir, allez les voir. Parce que franchement, c'est des morceaux. C'est surtout qu'on est fan des Ramones. Des Ramones. On en a une cover des Ramones. Mais le font vachement bien en plus. C'est ça qui... Et un jour, j'avais vu à la télévision... Donc, moi, j'ai eu la chance de les rencontrer, les Ramonas, et de les photographier. Elles étaient à un mètre de moi, quoi. Donc, c'était vraiment un plaisir. Un jour, j'ai vu une émission sur le punk, en parlant, voilà, le punk, etc. Est-ce que le punk est mort et tout ça? Et à un moment, ils ont dit, voilà, le punk n'est pas complètement mort, et puis on va vous présenter un groupe qui reprend les morceaux des Ramones. Et c'était elle. Donc, je disais, voilà, c'est sympa de les voir à la télévision, quoi. Parce que, bon, c'est des groupes souvent qui tournent beaucoup et qui sont pas forcément très connus, qui passent pas forcément dans les radios et dans la télévision, ce qui est bien dommage, quoi. Voilà. Et il y avait aussi un groupe tribute de AC/DC qui s'appelait les Lady Ball Breakers. Ils ont joué au caisson. Oui, ils ont joué au caisson. Ouais, j'y étais, moi. Vous étiez aussi. Non, parce qu'on avait un concert ce jour-là. Sinon, on serait venus. Super groupe à voir aussi. Très bien, on a parlé de plein de gens. Hein. Si après des idées vous reviennent, il y a pas de souci. Ce qu'on va faire, on va écouter un petit peu de musique, peut-être. Alors le prochain morceau qu'on a à caler, vous allez nous en parler un petit peu. C'est donc un morceau que vous reprenez vous aussi, mais là on va écouter la version originale, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, qu'on a repris au début. C'est un de nos premiers covers qu'on fait un peu moins maintenant. Alors ça s'appelle comment? Ça s'appelle Shaking All Over. Et c'est interprété par qui? Johnny Kidd et les Pirates. Ah ouais, t'as Johnny Kidd toi? Ouais, Johnny Kidd et les Pirates. Moi j'ai Consuela. Ah non, je crois pas que c'est la même version. J'ai Consuela et des Pirates, c'est écrit hein, sur le fichier. Non, bon non. Après, des fois les ordinateurs ils nous écrivent un peu n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. On va écouter et puis on va voir si effectivement c'est bien le bon morceau ou alors ça se trompe. Ça peut arriver. J'espère. Hein, je préfère que ce soit Johnny Kidd que Que qu'on soit là. On va voir. Là. C'est parti. on est d'accord. Ouais. Avec The Brunettes dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrika, édition numéro 538. J'espère que ce numéro-là vous portera chance. Voilà, c'est jamais, hein. Parce que souvent, quand je reçois les artistes, je dis, ouais, vous étiez déjà venu dans l'émission, ça fait combien de temps? Oui, c'était dans la... Ils me sortent le numéro à chaque fois, les gens. Et on retient ces numéros-là. Bon, moi, ça me permet de les mettre dans l'ordre et puis de savoir combien j'en ai fait aussi, hein. 538 émissions depuis 2010, voilà. Et puis, ça me permet aussi de retrouver tous les fichiers, donc de tous les morceaux qu'on a diffusés, les photos, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris l'habitude de mettre des numéros. Et il y en a certains qui font des émissions depuis très longtemps, ils savent pas du tout combien ils en ont fait, mais moi je sais, voilà. Ouais, c'est très bien. Voilà, donc on a écouté deux morceaux à la suite. Alors, on a commencé avec, moi il faut que je reprenne un peu mon texte. Shaking All Over. Shaking All Over. Ah ouais, la version était chouette. Ouais, donc c'est la version de Consuela. Ouais, voilà. Qu'on n'avait pas forcément c'est tellement écouté. Consuela et The Pirates, donc On The Pirates. C'est en anglais ou oui, c'est en anglais, on va dire en anglais. Ouais. Et puis juste après, c'était The Brunettes, un super groupe, hein. Vous êtes d'accord avec moi. Ils sont sympas. Ouais. Till the Following Night, voilà. Donc ce morceau-là, par contre, c'est une reprise. Hein. C'est une reprise. Ouais, c'est une reprise de Screaming Lord Sutch and the Savage. D'accord. C'est un vieux groupe anglais des années 60. Les morceaux que vous reprenez, justement, correspondent à une époque où il y a des choses actuelles ou que vous mélangez avec des choses plus anciennes. En fait, au départ, ouais, on tapait un peu dans les 60s. Bah, on cherchait surtout des morceaux pas trop difficiles. Bah, oui, c'est ça. Oui. Avec pas trop d'accords à faire au départ. C'est une de nos premières covers. Ouais, c'est ça. Mais on la joue tout le temps, celle-là, par contre, parce que c'est vrai on que l'aime beaucoup, Cécile, ouais. Elle nous donne un peu la pêche. Et oui, c'est vrai qu'il y a la pêche, hein. C'est vrai que c'est un morceau qui... Ouais, et puis elle est dansante, les gens, en général, ça danse en concert. Donc, petit à petit, vous progressez, donc vous allez reprendre du Jimi Hendrix bientôt, et puis Eric Clapton, et... Non, parce que vous dites que, bon, pour moi, la musique, voilà, je la ressens. Après, c'est vrai que je ne rentre pas dans le détail au niveau des accords et tout ça, mais vous qui êtes musicienne, vous savez qu'il y a certains morceaux qui sont beaucoup plus faciles à jouer que d'autres. Donc, forcément, comme au début, vous avez commencé, donc voilà, la musique, vous avez pris des morceaux plus simples, et aujourd'hui, maintenant, vous les maîtrisez à fond et vous allez progresser au fur et à mesure, quoi. Ça, voilà. Oui, on a d'autres pistes. Mais il ne faut pas. Et moi, je sais que j'ai reçu des groupes, des groupes qui ont tourné. Dans le monde entier, on va parler par exemple du groupe des Burning Head, et qui nous ont dit, nous, on ne savait pas jouer, on a commencé à jouer, on ne savait pas jouer, on a appris au fur et à mesure qu'on a fait nos concerts. Mais c'est vrai qu'à une époque, c'est vrai que c'était le côté rock'n'roll, on montait sur scène, on faisait un peu de bruit, et après, petit à petit, aujourd'hui, c'est les virtuoses qu'on connaît, hein, c'est quand même. Voilà, donc ça, il faut beaucoup de travail, c'est pas du jour au lendemain qu'on sort des morceaux. Donc vous répétez tous les vendredis, par exemple, vous tous les vendredis. Chaque vendredi. Chaque vendredi. Ouais, ouais. Il y a très peu d'interruptions. En général, on travaille au moins deux heures. Ouais. Au début, c'était même trois. On parle pendant une heure. Après, on revient une heure et demie, deux heures. Ensuite, on travaille. Non, sérieux. Après, on repart. On travaille dans une bonne ambiance et une bonne humeur. Après, ça peut durer longtemps. On travaille quand même. Parce que il nous faut discuter des dress codes pour les concerts. C'est très important. Ah ouais, non, mais c'est vrai que le look et tout ça, c'est très important. Ah oui, c'est des longues discussions. Ça se prévoit. Ouais, c'est vrai que quand vous arrivez, donc vous avez des costume déjà pour la scène, c'est comme ça que ça se passe, vous le préparez, ou alors vous essayez de vous accorder pour avoir à peu près on s'accorde dans tous les sens du terme, voilà, on se prête, on voilà. Ah ouais, d'accord, voilà, ça c'est un côté féminin, ça, quand même, parce que c'est la première fois qu'on en parle ici dans l'émission. C'est vrai que j'ai fait votre groupe, mais jamais ils m'ont dit voilà. Si après ils ont des, il y en a certains qui ont des costumes de scène qui vraiment quand ils sont sur scène sont pas du tout habillés que comme dans la vie, donc là il peut y avoir une mise en scène, etc. On a un très bon élève, on va le citer, c'est le Phil des Chili Dogs, c'est un très bon élève. Ah, des fois, on lui piquerait bien ses chemises. On lui piquerait bien ses chemises, voilà. C'est vrai. C'est vrai, hein. Une fois, il voulait me piquer aussi. Ouais. Ouais, il, reste, oui. Il aime bien aussi les chaussettes à pois et les chemises ça. À pois. C'est ça, voilà, il a tout compris. Oui, à pois et léopard. Je connais bien, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et puis, il a un talent de guitariste, franchement. Moi, c'est toujours un plaisir de l'entendre. Ouais. Non, Phil. Mais c'est chemise. Mais c'est chemise. C'est sa signature, voilà. Voilà, on t'embrasse, Phil. Voilà. Très bien. Donc, on parle des Chili Dogs. Si on s'écoute un petit morceau des Chili Dogs. Ah, avec plaisir. Ouais. Donc, j'ai calé ça depuis le début de l'émission. Hein. Alors, moi, j'ai des platines qui, au bout d'un moment, se mettent en veille. Donc, elles s'endorment. Et puis, quand je balançais des trucs, ça marche jamais. Donc, ça, cette fois-ci, j'ai pris la peine de les réveiller. Et alors, là, peut-être que si tu peux, on peut t'aider. Et ouais. S'il y a besoin de discuter un peu des Chili Dogs, peut-être qu'on peut te dire que on sait qu'ils préparent quelque chose pour la fin. Ouais, ils préparent quelque chose. Donc, on va rentrer dans les détails juste après. On écoute le morceau. Bah, c'est le titre qui a donné le nom à leur précédent album. Donc, ce qui est encore en cours actuellement, puisque le nouveau n'est pas encore sorti. Donc, s'appelle Something Must Change. Et ce sont nos amis les Chili Dogs. Et puis, c'est un album que, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter d'un bout à l'autre. Il y a des albums comme ça qu'on écoute deux ou trois morceaux, et puis les autres, on les met un peu de côté. Mm-hmm. Et il y en a d'autres. Je crois que j'ai diffusé tous les morceaux déjà des Chili Dogs dans l'émission Mavrika. Au moins une fois, c'est normal quand ils sont là. Mais après, je diffuse aussi régulièrement. Et j'aime bien changer parce qu'à chaque fois, c'est un plaisir et un bonheur d'écouter leurs différents morceaux. On écoute tout de suite Something Must Change. Forcément, il s'est rendormi. C'est parti. C'était donc les Chili Dogs avec Something Must Change. Ouais, non, parce que je regardais, j'étais en train de lire de l'autre côté, et de l'autre côté, il y a écrit Something Got to Change Now. Voilà, c'est pour ça que ça m'a un petit peu, mais c'est Something Must Change, effectivement. Parce que dedans, il y a écrit la phrase complète Something Got to Change Now. We can't stand it any longer. Vous avez vu l'accent que j'ai en anglais? L'accent du sud de Munich. Voilà. Ah, c'est pas en Angleterre? Ah, bah oui, ça explique tout. Très bien. Donc, on va parler d'eux, hein. On va prendre le temps parce que franchement, c'est un groupe que j'apprécie beaucoup, que j'ai déjà vu en concert, je sais plus combien de fois, mais à chaque fois, c'est un grand plaisir. Et, on a la chance, sur Orléans, d'avoir de très bons groupes. Et en plus, il s'est passé quelque chose dans l'émission qui est formidable. C'est que, il y avait une chose, voilà, je déteste perdre mes CD, et il y avait un CD qui avait disparu depuis X temps, et que malheureusement le groupe, on en a parlé tout à l'heure, c'est le groupe IFP, Infernal Flash Pep, et donc j'avais la couverture et malheureusement le CD n'était plus dedans, donc j'étais très malheureux suite à ça. Et puis aujourd'hui là, j'ai mis le disque des Chili Dogs dans la platine, et puis qu'est-ce que je regarde, je dis le disque est dans la pochette. Alors qu'est-ce que j'ai mis dans la platine, voilà, et après j'arrête, le disque de IFP, il est là. Il est là, il était dans, les deux disques étaient dans la même pochette, donc voilà. Et donc je suis content d'avoir retrouvé le disque des IFP. On passera sûrement un morceau tout à l'heure, mais comme j'ai pas la couverture, j'ai pas les titres, donc à la limite on fait ça à l'arrache, hein, ça, oui, à l'arrache. Tous les morceaux sont bons. Voilà, les Chili Dogs, donc qui c'est qui en parle un petit peu, comme vous les connaissez bien. Bah oui, c'est toi qui les connais. Comme ils ne nous écoutent pas, vous pouvez dire du mal, il n'y a pas de problème. On est entre nous, hein, voilà. Oui, on va. De toute façon, les absents ont toujours tort. Effectivement, Hélène disait tout à l'heure qu'ils vous préparent quelque chose. Ils sont en plein travail pour un nouvel album, en tout cas. Et donc, c'est le groupe copain des brunettes, certains diront, mais effectivement, on les connaît très bien depuis le début. Et puis, on partage le même local aussi au frigo. Et ils nous ont toujours soutenus, ils nous ont toujours motivés à faire ce qu'on fait maintenant et ce qu'on fera plus tard. En tout cas, c'est des super gars, enfin pas tous. Ça dépend lesquels. Il y en a un. Si tu nous entends. Il y en a un qui. On ne dira pas le nom, mais. Celui-là, on n'en parle pas, on ne dira pas c'est lequel, mais il y en a un qu'on. Non, on n'apprécie pas du tout. Non, ils sont. C'est des chic-tips. Voilà. Vous pouvez citer les différents membres du groupe si vous voulez, et puis on va en parler un petit peu. Chris, donc on en parlait, le fameux Chris des Chili Dogs. Ouais, bassiste, chanteur. Bassiste, chanteur, dictateur. Ah non, c'est bassiste. C'est plutôt bassiste, chanteur ou chanteur, bassiste? Ça, on lui demandera. C'est vrai que dans leur histoire, il était d'abord bassiste. Oui, tout à fait, parce qu'il y avait après, un autre chanteur. Il a repris, Ben, à l'époque, était le chanteur. Et il a repris le chant. Donc, après, faudra lui demander. Mais la basse, je pense que... Et donc, file la chemise. À la guitare et Franck à la batterie et le grand Bruno à l'harmo. À l'harmonica, ouais. C'est vrai que l'harmonica, ça amène quelque chose dans les morceaux de rock'n'roll. Et c'est vrai qu'il y a quelques harmonicistes comme ça dans la région qui sont excellents. Et c'est toujours un plaisir d'écouter de l'harmonica. Ça a le petit côté rock'n'roll en plus, quoi. C'est vraiment bien. Super. C'est Bruno, il intervient bien quand il faut. C'est pas tout en longueur non plus. C'est subtil et ça va très bien. Ça fait un rock super. Ouais. Vraiment, très bien, on a parlé Chili Dogs. D'autres choses à rajouter encore sur eux ou on a tout dit? Ça va. Quand même. C'est des brunettes. On revient aux brunettes. On a parlé tout à l'heure de la composition. Dans la composition, donc, y a la musique, il y a les paroles. On a vu qu'il n'y avait pas de recette vraiment. Quand vous écrivez les paroles, qui c'est qui écrit les paroles? On écrit les paroles, on a des idées de paroles. Après, pour l'anglais, on a besoin de conseils techniques, des fois, pour que ça soit mieux. Et puis, c'est quelque chose qui se travaille. Encore une fois, c'est un peu collégial. On a fait notre dernière compo qui s'appelle Girls. c'est des paroles sont venues avec une rencontre avec des roller derby. Ouais. Voilà. Et ça nous a donné une idée de chanson. Justement, tu parlais des Ramones tout à l'heure. Du coup, on s'en est aussi inspiré. On voulait un morceau un peu Ramones, voilà. Et les paroles, la musique. Donc les roller derby, c'est le groupe les Simones, ouais, d'Orléans. Ouais, les Simones, ouais, on les a rencontrés. Enfin, oui, que je connais aussi. Ouais. Dans un concert des Chilis, d'ailleurs, de mémoire à la Pucelle d'Orléans, à Saint-Jean-de-Bray. Et voilà, on en a fait une chanson. Donc voilà comment ça vient. S'il n'y a pas de... Il n'y a pas de sujet vraiment, ça peut parler de n'importe quoi. Et puis là, D'une rencontre. D'une rencontre. Et puis un petit peu, au niveau du thème, un peu, des filles qui vont, qui foncent, qui vont de l'avant comme ça. Qui se posent pas trop de questions et qui font ce qu'elles ont à faire, c'est un peu ce qu'elles ont envie de faire. Ce qu'elles ont envie de faire et voilà. C'est pas déprimant quoi. C'est un peu notre idée aussi commune. D'accord. de foncer. Très bien. C'est ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut pas se limiter à certaines choses. Et puis quand on a envie de faire quelque chose, que ce soit du sport ou du rock'n'roll, et ben il faut se lâcher, hein. Puisque... Exactement. Très bien. D'autres idées aussi qui viennent. Est-ce que vous faites des chansons d'amour? Ça marche toujours, ça. Hein. Tous les groupes. On a notre Lover Song. C'est notre première composition, celle-ci. Lover Song, qui est une Lover Song sans. Un peu à la façon brunette. C'est pas mielleux, c'est pas mièvre, c'est brunette. On écoute ce morceau-là. Parce que pendant que vous parlez, j'ai choisi une exclusivité mondiale. Ça fait partie du premier enregistrement que nous avons fait. C'était des pistes enregistrées. Et puis, avec le confinement, on n'a pas pu aller bien loin. Donc, par exemple, il n'y a pas les chœurs sur cette chanson. Mais, non, elle n'est pas finalisée, mais bon, c'est déjà... On ne l'a pas finalisée. Et puis après, le groupe a avancé, donc... Voilà, ça change un peu la donne par rapport aux enregistrements de 2020 qu'on n'a pas pu reprendre, qui ont traîné un peu à cause du confinement, du Covid. Et donc voici Lover Song, c'est exclusif, jamais entendu sur les ondes. Bon, on va faire un petit jingle alors. En exclusivité mondiale. Voilà. la chanson d'amour de The Blue Next. Voilà. un petit peu de tendresse dans l'émission Mallorca, ça fait pas de mal de temps en temps. Donc la chanson d'amour Lover Song, c'était The Brunettes, et donc c'est la version studio. La version studio, ouais. Offerte par le Sonic Studio, effectivement, qui nous fait le plaisir de nous donner cette piste-là, enregistrée en 2020, donc... Voilà, on l'a retravaillé depuis, mais c'est vrai qu'à l'époque, l'enregistrement avait fait du bien aussi pour pouvoir l'amener un peu plus loin, cette chanson, dans les concerts. Ça a permis de poser les choses voilà, de façon plus claire pour tout le monde. On y a ajouté des chœurs, on a ajouté des choses depuis. Voilà. Là, vous êtes en enregistrement actuellement ? On prépare nos concerts là, qui vont arriver, notamment celle du 11 mars, qui est un beau concert pour nous à la maison de Bégon. Et puis, mais effectivement, après, on va pouvoir là bientôt aller faire un enregistrement de deux de nos dernières compos. Qu'on va jouer pour la première fois demain et même qu'on réserve aussi pour notre concert du 11 mars. D'accord, voilà. On rappelle les dates, donc demain ça se passe à La Grange. C'est ça, Saint-Laurent, et le 11 mars à Blois, à la maison de Bégon. Et on a une autre date fin mars, c'est à Saint-Y, le 25 mars. C'est dans avec quelle salle, les VPC, avec les VPC, voilà. VPC. D'accord. Oui, c'est, je ne me souviens plus du nom de la salle, mais c'est une salle où ils jouent assez régulièrement, les Chili Dogs, etc. Les BBB, nous avons ici la batteuse des BBB aussi. Oui, tout à fait, Céline c'est bien de parler aussi. Céline fait partie de cette formation-là. Je ne sais plus qui a joué. Les BBB. Les Chili, c'est sûr. Et Samsung, voilà, et ça me saoule aussi. Voilà, vous parlez encore d'un groupe que j'apprécie beaucoup, en tout cas qu'on a reçu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, qui ont participé à Mavrica Live aussi. Tu vois, on choisit quand même le meilleur pour les Mavrica Live. À l'origine, c'est nous qui choisissions les groupes qui devaient jouer. Et après, on s'est dit, tiens, ce qu'on va faire, on va demander aux groupes qui veulent jouer de se proposer. Donc là, on a une liste. On avait une quarantaine de groupes qui voulaient jouer dans le Mavrica Live. Et parmi ces 40, on a demandé aux gens de voter. Et donc, voilà, les groupes qui sont arrivés, bah, c'est ceux que je vous ai cités tout à l'heure. Et donc, les Samsung aussi avaient été choisis lors d'une édition précédente. Voilà. C'est bon pour... Les dates de concert, on a tout rappelé. Voilà. Et puis au fur et à mesure... Oui, après, on en a d'autres encore en juin. Qui ne sont pas forcément confirmés. Sont mais voilà, encore à confirmer. Bon, évitez le 10. Voilà. Le 10... Le 10, le Mavrica Live. Ah, voilà. Non, mais nous, les dates... je crois qu'il n'y a rien de... Il y avait un truc, mais il vient d'être annulé, on ne sait pas pourquoi, voilà. Très bien. Voilà pour les dates. Et donc, vous avez parlé d'enregistrement. Comment ça se passe, les enregistrements ? C'est pour préparer un album ? C'est pour préparer des singles ? Comment ça se passe ? Un EP ? Ce serait un 45 tours ? Ouais, deux titres. En vinyle ? Ouais, ben, on aimerait bien. Ah bon ? Ah, c'est génial, ça. On adore. D'accord. Un 45 tours. C'est vrai qu'on parle de retour des vinyles, mais les 33 tours, oui, mais les 45 tours, c'est la première fois que j'entends. Ah ouais ? Ouais. Donc, on adore les 45 tours. D'accord, ok. C'est vrai qu'à l'origine, c'était les 33 tours. C'était dans les années 60, on a commencé à faire des 45 tours pour les singles. Et d'ailleurs, il y avait des 45 tours, il y avait deux chansons de chaque côté. J'ai connu à une certaine époque. Donc voilà, c'est bien de revenir. Parce que le vinyle, finalement, on l'a mis un petit peu de côté. Et aujourd'hui, il revient en force. Pas quoi. Nous. Non, pas vous. C'est vrai que moi j'ai encore mes platines, mais après je me suis fait plaisir, j'en ai acheté une un peu mieux, que j'ai mis dans mon salon, et régulièrement j'aime bien écouter le son. C'est quelque chose de analogique, donc c'est vraiment le vrai son, quoi. C'est pas le son qui a été transformé une première fois et retransformé une deuxième fois pour reconstruire un son, quoi. Et puis bon, il y a le plaisir aussi du craquement, il y a aussi les petits défauts, hein. Et puis après on l'écoute différemment, effectivement on prend la pochette, on dépose le disque, c'est ça, voilà, on le retourne au milieu parce qu'il faut le retourner, c'est pas auto-reverse. Et donc ouais, c'est un contact différent avec la musique, hein. Donc un 45 tours, bah formidable. La cassette, la cassette VHS. Là, peut-être pas quand même. Non, vous n'êtes pas nostalgique des cassettes, non? Non, on va travailler notre dress code pour la photo de l'album. Puis voilà. Mais on a déjà une idée, en tout cas. D'accord, donc ça, c'est en train de se faire. Mmh. Voilà, vous avez déjà deux titres. Est-ce que vous avez déjà tous les titres pour l'album, par exemple? Ah bah ouais, là, on aurait assez, hein. Voilà, finalement, c'est une bonne idée. Tiens, on va faire un album là. Et là, en rentrant là, ce soir, on va commencer à en parler. Très bien. Donc, un enregistrement. Je pense que le studio, c'est toujours le même, non? C'est. Oui, c'est ça. C'est le Sonic Studio. Donc, alors, c'est presque du fait maison. Effectivement. Donc, c'est là où on enregistre les Chili Dogs, par exemple. Tout à fait. Et ils enregistrent aussi d'autres groupes, hein, de la région. Vous en connaissez d'autres qui ont enregistré là-bas? Bien le groupe des Rapades avec lequel nous allons jouer. Des Rapades, tout bien, à fait. Oui, vous l'avez dit. Ils ont enregistré avec le Sonic Studio. Alors, je ne sais plus quand. Mais voilà, ils l'ont fait. L'année dernière, je crois. Ok. Après, on ne connaît pas tous leurs secrets non plus. Hein. Non, mais bon, comme vous connaissez un petit peu, vous savez qu'il y a d'autres artistes qui ont joué. Et c'est bien d'en parler, quoi, parce que c'est vrai que les artistes, on peut se vanter dans l'émission Mavrica d'avoir beaucoup d'artistes qui nous écoutent. Hein. D'ailleurs, si on regarde les petits j'aime sur le Facebook de l'émission Mavrica, n'hésitez pas à y aller, mettre un petit pouce ou mettre un petit commentaire. Bon, vous verrez que la plupart du temps, ce sont des musiciens. Donc, ils sont toujours intéressés de connaître d'autres artistes et aussi de connaître les studios, où vont les artistes, est-ce que ce studio-là est bien adapté à leur musique, etc. Parce qu'il y en a plusieurs. Et puis, certains sont plus spécialisés peut-être dans un style, d'autres dans un autre style. Donc, c'est bien de connaître. Hein. Et puis après, il y a aussi des gens qui aiment bien changer. Ils enregistrent un premier album dans un studio, après ils vont à un autre, etc. Quoi. Après, c'est toujours intéressant. Donc on a cité ce studio-là. Et puis justement, avec le groupe Ombrage et le groupe Full System, d'ailleurs, tu nous as mis un petit message tout à l'heure, Julien, le chanteur des Full System, ils avaient enregistré, j'ai eu l'occasion hier de retrouver notre ami Stéphane du groupe Émergence à Main-sur-Loire. Voilà, donc voilà, c'est la famille, c'est les gens qui vont enregistrer, qui se connaissent, les groupes qui se rencontrent. Donc c'est bien de parler un petit peu de tous les studios et des musiciens qui est de la région. Très bien. On a calé d'autres morceaux encore. Donc là, c'était le morceau en studio. Là, le prochain morceau, c'est un morceau qui a été enregistré en live. Et c'est un morceau qui s'appelle comment? Situation. Situation, voilà, j'étais en train de regarder. Situation. Alors, vous voulez en parler? On était distrait. Je voyais bien, c'est pour ça que j'essayais un petit peu de vous tendre la perche. Je dis, non, elles ne sont plus avec moi. Donc, je vais commencer à regarder le titre par moi-même. C'est des risques. Hein. Et, mais ça, c'est le côté dans l'émission. Voilà, on est en direct et on fait l'émission en direct, hein, à l'ancienne. Hein. C'est pas comme dans certaines radios où ils ont passé une heure et demie en studio et ils ont gardé une demi-heure qu'ils vont diffuser après et tout est coupé. Et puis. On vous fait dire ce que vous voulez dire, alors que là, non, vous n'avez pas de filet. Si vous faites une bêtise. Non, mais c'est le côté aussi, voilà, il ne faut pas changer ce côté-là. C'est le côté spontané, le côté qu'on aime bien aussi dans l'émission Mavrica. C'est pour ça qu'on ne veut pas changer. À un moment, il était question de dire, ouais, on va essayer de faire un truc un peu plus carré. Et puis les gens, ils ont dit, non, changez rien, restez comme ça. C'est le côté qu'on aime. Donc voilà. Et nous, on dit tout ce qui se passe dans le studio, hein, parce que c'est vrai que souvent, les petits problèmes techniques, tout ça, on n'en parle pas dans les radios. Nous, on dit, il y a un truc qui nous embête un petit peu. Et donc, on va écouter le morceau qui s'appelle Situation. Vous voulez en parler un petit peu de ce morceau-là? C'est la reprise d'un groupe. Ouais, c'est une reprise des Slaughter and the Dogs. C'était un groupe, enfin, c'est toujours, hein, parce qu'ils sévissent toujours. Mm-hmm. C'est un groupe punk qu'on adore, qu'on a vu en 2003 à Blois. C'était pour les 20 ans de Riposte. Et ils jouaient avec, bah justement, on parlait tout à l'heure des Burning. Ils jouaient avec eux. En première partie, il y avait les Burning, Kidnap, voilà, avec les Slaughter. Voilà. Puis nous, Hélène, on les a vus aussi à Saint-Brieuc. Je ne sais plus, avant le Covid, non ? Oh oui, bien avant le Covid. Donc, Christmas Punk Party. Et donc, ils sont toujours super. Voilà, c'est un super groupe. Ouais. D'accord. Et on fait deux reprises d'eux. C'est Situation. Situation, c'est la version live à notre concert. Et Quick Joy Small, c'est donc la version originale. La version interprétée par le groupe même. Très bien. Bon, on va écouter les deux morceaux là-dessus alors. Eh ben, c'est parti. C'est parti. Run, Joey, run, the hounds are on your trail. Les morceaux rock and roll, ça se termine brutalement. Voilà, donc on a écouté deux morceaux à la suite. Et les morceaux, vous pouvez les retrouver sur le programme de l'émission Mavrika du vendredi 3 février. Donc c'est aujourd'hui. Et c'est l'édition numéro 538. D'ailleurs, je ne l'ai pas marqué, je l'ai rajouté. Et on vient d'écouter à la suite les brunettes avec Situation et Stog on the Dogs, Quick Joe Small. Voilà, je ne me suis pas trompé, c'est bien. C'est bien. J'aime bien qu'on dise que c'est bien. Ouais. Voilà, donc on écoute plein de morceaux différents et puis c'est bien agréable. Donc, des morceaux péchus quand même. Hein. Vous aimez bien le rock'n'roll qui envoie, oui. Quoi. Voilà. C'est ce qu'on veut, effectivement. Ouais. Voilà, et en plus, la grande particularité de votre groupe, c'est quand même qu'il y a deux chanteuses. Oui, tout à fait. Voilà. Il y a deux chanteuses. Donc on entend les deux voix. Et comment est venue l'idée d'avoir deux chanteuses? C'est vrai que vous. C'est pas courant, quoi. Ouais, mais on n'a rien calculé. Hein. Ça s'est fait comme ça. Parce qu'on est copines. Ça s'est fait vraiment naturellement. Hein. C'est ça, ouais. On s'est pas dit, tiens, ça serait bien qu'ils vont mettre deux voix. Ouais, parce que finalement, il y a deux voix, donc il y a deux fois plus d'animation sur le devant de la scène. Ouais, ça donne un côté plus péchu, c'est ce qu'on veut aussi. Et puis on arrive, il y a du travail à faire avec deux voix en chant lead. Ah oui, tout à fait. Ouais. Donc du coup, on arrive à alterner. Et comment ça se passe? Il y a une voix plus aiguë, l'autre plus grave ou non? Ou ça change? Oui, c'est ça. Ouais. Des fois, on est sur la même tonalité. On est sur la même ligne de voix. Parfois, il y a des petits changements plus subtils. Des fois, des questions-réponses. Mais on essaye d'alterner un peu. Nos possibilités, que ce soit dans les covers ou dans nos compos. Très bien, donc il fallait quand même le souligner, hein, parce que c'est vrai que les gens qui vous ont vu sur scène ont vu qu'il y avait des chanteuses, mais bon, les gens qui écoutent ne comprennent pas forcément, et donc on l'explique. Il y a deux voix, mais c'est normal. C'est volontaire, effectivement. Puis c'est vrai que quand vous avez commencé à chanter un peu comme ça toutes les deux, on s'est vite rendu compte que les retours des gens. Nous disait c'est original, c'est sympa, et vos deux voix elles s'accordent bien. Enfin, il y a quelque chose qui est assez qui se complète, moi je trouve. Et puis on a une super complicité. Bah oui. On a même pas besoin de parler, c'est ça. On se comprend. D'ailleurs, on entend au morceau, le morceau que t'as mis sur Situation. Ouais. On se marre avant, on entend ça. Non, mais il y a des moments où vous vous marrez pas. Je sais pas. Depuis le début de l'émission, en tout cas, on voit que vous êtes contente d'être ensemble, et puis à chaque fois, c'est. Ouais, le plaisir d'être ensemble et de jouer ensemble, c'est sûr. Ah oui, c'est ça. Voilà, donc très bien. The Brunettes, invité de l'émission Mavrika. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé depuis le début, même si on l'a présenté, mais c'est vrai qu'il nous en manque une. Oui, voilà, C'est certainement la plus musicienne d'entre nous, puisqu'elle est professionnelle pour le coup, et elle nous aide beaucoup aussi, hein, voilà, sur les morceaux, sur les compos. Les solos de guitare, les chœurs. Voilà. Elle est Elle est parfaite, ça, cette Mimi. Elle apporte une grosse qualité aussi au groupe, quoi. Ah oui, tout à fait, ouais, voilà. Elle fait des ateliers à Tours, elle a monté sa boîte, ça s'appelle Musique en vie. S'il y a des parents qui ont envie d'inscrire leur petit bout, là, c'est une super... super prof, enfin prof, je ne sais pas si on peut dire prof. Je ne sais plus comment, c'est animatrice, musicale. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est bien aussi une prof. Parce qu'on dit un prof, donc même c'est quand c'est une femme. Non, il faut quand même... voilà, c'est une femme, c'est une prof. Voilà, on dit comme ça. Non, je dis ça parce qu'il y a des gens comme ça qui reprennent, effectivement. Et moi, j'en connais une personne qui m'a dit, voilà, Madame le maire. Non, Monsieur le maire. Madame le maire, Madame la maire. Voilà, on reprend parce que, bon. Et puis donc, voilà, moi, je trouve que c'est bien aussi de dire, voilà, la professeure. Très bien. La professeure, on va l'appeler comme ça. Mimi, c'est ton nouveau. Mylène, donc, voilà. Mylène, la guitariste, la deuxième guitariste, parce qu'il y en a deux, qui n'est pas là ce soir, malheureusement, mais qu'on aura l'occasion de voir dans les prochains concerts. Bon, elle est certainement là avec nous, elle nous écoute. Oui, elle nous écoute sûrement. Ben, on lui fait un petit coucou, en tout cas. Ouais. Des bisous. On va parler aussi des projets. Donc, on a commencé à voir qu'il y avait des enregistrements qui se préparaient, il y a des concerts qui viennent aussi. Est-ce qu'il y a d'autres projets, par exemple, un club vidéo ou des choses comme ça? Au club vidéo, non, on n'y a pas encore réfléchi. On y va par étapes. Déjà, on va faire nos deux titres là, et puis après, on envisage pas trop à l'avance en fait. Hein. Ouais, pas trop, on laisse les choses se présenter au fur et à mesure, étape par étape. Enfin, on n'est pas voilà. Pour l'instant, voilà, c'est vrai qu'on a les concerts, ça nous demande déjà beaucoup de travail. Alors le clip, il faudra réfléchir sur... ça va être folle ce truc-là. Il n'est pas rendu celui qui fera notre clip. Voilà. Après, il faut déjà choisir le morceau que vous voulez clipper. Oui. Il va falloir choisir aussi les gens qui vont vous accompagner. Parce que, voilà, ouais. Et après, il faut trouver aussi les bonnes personnes pour faire le clip vidéo. Hein. Il y a des gens qui ils ont des styles... Bah, c'est des artistes eux aussi, hein, donc forcément, il faut trouver les bonnes personnes. Après, il faut faire les montages. Il y a tout un truc à faire. C'est quand même beaucoup de boulot. Hein, oui, il y a beaucoup de choses à dessiner. L'endroit, le lieu, les chaussures. Surtout les chaussures. Voilà, ok. D'autres projets, sinon, à part ça? Parce que des fois, il y a des trucs auxquels je ne pense pas que vous pouvez... Non, là, c'est vraiment... On est axé concert, là. Donc concert, et puis après le Covid, ça fait du bien aussi d'aller en concert. Donc on encourage les gens à y aller, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, voilà, avec le Covid, on est resté un peu à la maison. Voilà, on sortait un petit peu moins, et puis on s'est habitué comme ça, et puis après, il faut se faire un petit peu violence pour ressortir, parce qu'il fait froid dehors, on est en plein hiver en même temps. Donc bon, vous inquiétez pas, le printemps va bientôt arriver. Mais des fois, on se dit, oh, je suis un petit peu fatigué. Bah, hier, j'étais au concert, et c'est vrai qu'une heure avant, je savais pas si j'allais y aller, tout simplement parce que je me souvenais plus que c'était cette date-là. Mais je m'étais promis d'aller voir justement les artistes que j'ai cités tout à l'heure, Ombrage et Full System. Et après, je me suis dit, ah bah oui, c'est ce soir, mais si j'y vais pas là, je les verrai pas avant les émissions que je vais faire avec eux. Donc je me suis dit, ah, j'y vais. Hop, et j'ai pris. D'habitude, j'aime bien aussi me rencarder avec d'autres personnes. Qui c'est qui va, qu'on peut y aller ensemble, tout ça. Là, je dis, bah, hop, j'ai pris mon blouson, ma voiture, et hop, je suis parti. Et je les ai retrouvés là-bas. Et sur place, il y a toujours des gens avec lesquels discuter. Donc c'est toujours un plaisir. Donc il faut aller au concert, aller voir les gens en live. Ça, c'est très important, ça. Oui, c'est sûr. Alors vous êtes souvent sur la scène, mais est-ce que vous allez aussi au concert d'autres personnes? Oui, très souvent. Ouais. Voilà, ça fait partie des choses que vous aimez. Ah bah oui. Puis en plus, on y va ensemble, alors. Ok. Donc, quand on voit des filles qui sont au premier rang devant les concerts, c'est vous. C'est ça, c'est celle qui rigole. Et qu'on entend dans les laves, les filles qui crient, c'est vous. D'accord. Vous avez été voir des groupes connus ou des groupes moins connus, peut-être. Vous avez été voir qui dernièrement? Ouais, on est allé voir, oui, les Samsoul, tu dis Astrid, ouais. Les Samsoul. Il n'y a pas très longtemps, qu'est-ce qu'on a vu? Je sais plus, là tu nous prends de court. Bah oui, mais depuis le début, je vous prends de court parce qu'on n'a rien préparé. Hein. Ouais, on avance au feeling, moi je suis un peu comme vous, au feeling. Voilà, on sent le truc, on le sent bien comme ça. Une circle aussi. Mincircle. Mincircle. Ah, c'était chouette. Ah, ouais, c'est un chouette groupe, d'ailleurs. Hein, franchement. Et notre chouette copain Paddy aussi, qui a joué au Paddy. Ah, oui, Paddy. Paddy. On l'a vu au Dropkick. Et là, il va jouer à Lailly-en-Val en mars. Je ne sais plus la date. Au Café de la Mairie. Je ne sais plus quel jour. Ah, bah le 18 mars, oui, je crois. 18 mars. Ouais, et c'est super ce qu'il fait. Ouais, c'est possible, je pense. Paddy. Paddy au tournoi. Ah oui, bah, oui, allez voir. C'est la musique irlandaise. Ah, c'est génial. Je crois que maintenant, en plus, il jouait tout seul avec tous ses instruments. Et ses bandes, et puis son fils maintenant l'accompagne aussi dans ses concerts. Et donc je pense qu'ils sont tous les deux à la Guille. C'est super. Vous avez déjà été à cet endroit-là, non? Café de la Mairie? Non. Eh bien, on va y aller pour voir Paddy. Moi, depuis le temps qu'on m'y a invité, c'est vrai que j'aimerais bien y aller. Souvent, les concerts, c'est aussi le vendredi soir, donc des fois, c'est un petit peu compliqué. Nous, on répète, on sait quelque chose. Voilà. mais c'est vrai que c'est un endroit où j'irai, de toute façon, un jour ou l'autre. Hein, et puis, il paraît que c'est très bien. C'est très bien. Tous les musiciens qui ont joué m'ont dit du bien. Donc, moi, je ne conseille pas les mauvais endroits où aller jouer. Mais quand on me dit du bien et j'ai des bons retours, quand on me demande est-ce qu'on peut jouer à tel endroit, je conseille souvent. C'est les endroits comme ça où les gens sont bien accueillis. Ça, c'est important d'être bien accueilli pour des musiciens. Et puis voilà. Oui, franchement, nous, on a eu de la chance. Les Je M'en Balèque, Roxette. Abosi aussi, avec Isabelle. Abosi. Il y a Nanou maintenant, Abou aussi, qui nous avait bien reçu. C'était sympa. Ancien bar à Abou, effectivement, Nanou. vraiment, on est super bien reçu à chaque fois. Ça, c'est le plus important, voilà. Parce que des fois, moi j'ai eu des artistes ici qui m'ont dit, voilà, moi j'ai joué à tel endroit, les gens ils mangeaient au même temps, ils nous disaient presque si on pouvait jouer un peu moins fort parce qu'on faisait un peu trop de bruit. Oui. En plus, c'était un restaurant, mais il a fallu qu'on emmène un sandwich parce qu'ils nous ont pas donné à manger. Donc, quand c'est comme ça, on se dit, on va pas conseiller ça à d'autres musiciens. Voilà. Très bien. On écoute un petit peu de musique. Tout à l'heure, on a parlé des IFP. J'ai calé un morceau parce que j'ai vu que l'introduction était super bien. Je sais pas du tout le titre parce que je sais pas la pochette, mais on va on se faire plaisir. On peut le trouver après si tu veux. Ouais, on va essayer de le trouver. Il y a pas de souci. Voilà. Donc, je suis tellement content de retrouver mon CD que maintenant, on va écouter les IFP un peu plus souvent. C'est parti. Décidément. Et les trucs qui se mettent en veille, c'est super bien. C'est parti. To refuse to lay a little longer. She screams so. C'était donc le groupe que nous regrettons, donc qui n'existe plus aujourd'hui. Il s'agit de IFP, Infernal Flash Pep. Et le titre, par contre, on ne l'a pas retrouvé. Hein. Bon, on vous le dira la semaine prochaine. J'ai cherché dans la pochette des Chili Dogs. Ouais, il y a, non, l'autre pochette, elle est à la maison. Donc là, je ne l'ai pas. Mais bon, ça nous a fait du bien d'écouter quand même les Infernal Flash Pep, qui ont la particularité, eux aussi, d'avoir deux chanteurs, mais ils ne chantent pas en même temps. C'est ça. Voilà. Donc, et là, on a entendu un des chanteurs. Voilà. Mais on ne sait pas lequel. Mais on sait pas. Très bien. Et en plus, il chante des fois en français, des fois en anglais. Là. Donc, c'était un morceau en anglais. Voilà, c'est ce qui n'a pas facilité la tâche pour retrouver le titre. Voilà. On va parler, on a parlé déjà pas mal d'artistes différents. Donc, l'émission vous est consacrée, mais vous avez aussi envie de parler d'autres gens que vous avez côtoyés et d'autres gens que vous allez côtoyer aussi. Donc, on va peut-être enchaîner sur un groupe que vous allez nous annoncer maintenant. On va avoir la chance de rencontrer encore une fois le 11 mars à la Maison de Bégon à Blois, avec un concert organisé par Roxette. Donc, association blaisoise, on invite tous les Orléanais à venir voir. Parce oui, Blois, c'est juste vraiment, à côté. C'est une belle salle, la Maison de Bégon, et surtout, on fait la première partie donc, de Courette. Alors, c'est Courette. Un groupe qu'on va découvrir, en fait, parce qu'on ne les connaît pas encore. Ils sont très rock'n'roll. Ouais, c'est un peu garage 60s. Et, ils sont deux. Et c'est un couple, je crois. Ouais. Alors, je crois que lui est danois et elle est brésilienne. Elle est brésilienne, oui, c'est ça. D'accord, ouais. Ça va faire un, ça doit faire voilà, un donc c'est des influences. Elle a un super look, en tout cas. Ouais, elle est toujours super lookée. Ouais, ouais. Et non, c'est bien 60, c'est bien... C'est, vraiment, ça va être super. Ouais, bien ils tournent, hein, ils ont fait tournée européenne au Japon, je crois. Peut-être aux États-Unis, je ne sais pas. En tout cas, au Japon, c'est sûr. On y était hier aux États-Unis. Ah, oui, c'est vrai. Vous les auriez croisés. J'avais déjà oublié. Je vois ça. C'est ta faim. Ouais. Notre bassiste, quand elle a faim. D'accord. Il faut la nourrir. Ah, ouais. Pas après minuit. Mais... Pas après minuit, parce qu'après. Je pense pas. Ok, bah on va essayer de garder assez d'énergie pour finir l'émission. Et puis après, on prend une petite pause. Et puis après, l'émission, c'est pareil, il y a un after. Hein, vous ne savez peut-être pas. Ah, bah non, il y a les photos. Ça va motiver les troupes. Il y a les photos, effectivement. Alors, des fois, c'est vrai que ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, même encore. C'est qu'on rend l'antenne. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On discute un petit peu, on fait les photos. Et puis, des fois, on reste. Il est 2h du matin, on est encore en train de discuter. Ah ouais, mais nous, on a un concert demain. Quand même. Je te rappelle que demain, on joue. Hein. D'accord. Alors, il faut qu'elle mange. Alors, qu'elle je mange et je dors. D'accord. Ça, c'est important. Ça. Voilà. Non, on va faire vite, on va faire la photo. Parce que ce qu'il faut, c'est avoir aussi des souvenirs de l'émission Mavrika. Donc, régulièrement, on poste sur le Facebook de l'émission Mavrika, dans les rubriques photos. Il y a sur le mur, bien évidemment, mais sur la rubrique photo, vous allez sur album et il y a un album pour chaque émission. Donc vous pouvez voir, retrouver les photos. Alors certaines fois, il y en a beaucoup, des fois, il y en a un petit peu moins. Mais bon, là, il n'y en a eu que 5 la semaine dernière. Mais il y a quand même quelques photos, comme ça, souvenirs. Et puis moi, j'en ai plein à la maison et on ne les publie pas toujours toutes. Ah. Voilà. D'accord. Voilà. On ne veut pas le savoir. Ça ne nous regarde pas. Ah non, là, vous imaginez, j'ai rien dit. Voilà, donc on va écouter peut-être The Correct. Ouais. Je dirais que l'anglais, l'accent anglais, là. Ouais. Et il y a deux morceaux à la suite. C'est ça. Donc les deux morceaux, vous avez les titres. Pop the twig and won't you like a cigarette? Ah, won't you like a cigarette? Yes, of course. C'est parti. Coming fast, being hiding behind your back. deux morceaux à la suite de The Courette. Voilà. Donc découverte dans l'émission Mavrika, parce que moi je connaissais pas du tout. C'est ce que j'aime bien aussi dans l'émission, c'est que non seulement moi j'apprends des choses aux auditeurs, mais j'apprends aussi des choses avec mes invités. Donc c'est l'avantage. Et en plus on partage donc l'antenne depuis 19h et on est ensemble jusqu'à 22h. Donc l'émission va très vite. On a plein de morceaux diffusés. Donc on est en train de caler un peu tous les morceaux que vous aviez prévu de diffuser. Comme ça, ben on est à peu près dans les temps. C'est hein. On est pas trop mal. Ça hein. nous ressemble tellement d'être dans les temps. Être à l'heure. D'accord. C'est pas votre point tu fort. Tu veux dire quoi? Je sais pas. Bon, il y en a qu'une qui est à l'heure dans, chez nous. C'est bon, c'est notre Céline. Céline chouchoute en même temps. D'accord. Elle prépare le terrain. Il les... y a des gens qui aiment bien arriver toujours en avance. Et il y en a d'autres qui arrivent pile poil à l'heure. Et puis ah bah y en a ça d'autres c'est qui arrivent... ça c'est à la minute près. À la minute près. Ça c'est comme les Anglais. Hein. S'ils arrivent 5 minutes avant, ils vont faire un petit tour. Ils arriveront à l'heure pile. Ils ouais. seront. C'est donc... un côté anglais. Hein. C'est ah ça, ouais. c'est le côté anglais. Très bien. Donc vous serez en concert avec The Courette. On oui. rappelle la date le 11 mars. Maison voilà. des Gonds de Beauvoir. Et donc, comme demain, apparemment, c'est complet demain à la Grange. Donc, allez, venez nous voir donc à la Maison ouais. de Bégon. Ouais, donc, pour demain, c'est, il faut c'est absolument. Un peu... Puis, il y a deux courettes. Voilà. Ouais, ça va être... Très bien. Et puis, Thérapade, vous aurez bien l'occasion de les voir une prochaine fois, hein, puisque c'est complet pour demain. Voilà. Oui. C'est fini. Bah, oh, oui. Thérapade, oui. Mais non, mais. Après, on ne peut pas faire grand-chose. Pour... c'est complet. On ne peut pas pousser mais... les murs. Hein. Donc, mais, c'était sur réservation. En tout cas, bravo à ceux qui ont réussi à réserver. Mm-hmm. Vous allez avoir une super soirée donc, avec voilà. Les Dérapades. À ne pas louper. Donc, demain, Les Dérapades et The Brunettes sur la même scène. Voilà. C'est ça. Pas en même temps. Oh non, ça fait c'est un bazar. C'est qu'on est six, nous. Hein. On prend de la place. Est-ce que ça vous arrive des fois en concert de jouer avec deux trois groupes par exemple des fois ça se fait comme ça il y a un groupe qui joue un autre groupe et des fois ils montent un peu tous sur scène ils font un petit buff ou un petit truc comme ça avec une chanson connue ça vous est la jamais Bosie, arrivé oui ça nous c'est ouais. arrivé sur un morceau commun bah oui on va les reciter hein, les Chili ouais. Dogs mmh. et les Yetis aussi Yeti. Ils vont être jaloux si on les cite pas assez ces Yetis on avait fait une chanson commune parce qu'avec les Chili Dogs on a la même cover Because You're Young de Cox Sparrow et donc du coup on s'était bien marré sur cette chanson là ensemble avec les Yetis et les Chili Dogs. Donc ça nous arrive, pas systématiquement. Oui, mais c'est avec le feeling, encore une fois. Ouais, hein. Quand il y a le mot feeling, on a envie de remonter sur scène. Et il se passe des choses comme ça. Moi, j'ai déjà vu plusieurs fois, je me souviens d'un truc, c'était avec un groupe que c'était vraiment les premiers Mavrika Live à l'époque où ils avaient lieu ici, juste en bas, il y a une salle qui malheureusement est équipée d'un limiteur de son. Donc, on ne peut plus faire un concert de rock'n'roll depuis un petit moment. Et à cette époque-là, il y avait deux groupes. Il y avait Ice Cream et See You Soon. Et à la fin, ils nous avaient fait un groupe, c'était les See You Screen. Voilà. Donc le mélange des deux, ils étaient montés, ils avaient fusionné pour faire un petit morceau comme ça en bœuf, et j'ai trouvé ça super sympa. Donc voilà, c'est des souvenirs qui restent. Hein. Il y a plein de choses comme ça qu'on a fait grâce à l'émission Mavrika. Et puis vous aussi, vous en avez vécu sur scène, et des moments qui n'étaient pas prévus peut-être, et qui finalement restent dans la tête pour la vie, parce que ça fait partie des très bons moments. Quoi. C'est ce qui n'est pas prévu, c'est les meilleurs moments. Hein. Voilà, donc il faut aller au concert, parce qu'on y fabrique des souvenirs, ça c'est important. Exactement. Très bien, quelles sont les deux couleurs qui illustreraient le mieux votre univers? Les couleurs vraiment rouge, vert, bleu? Alors comment on... 6 alors, et on va t'en citer 6. Il y a des jokers. Je sais pas. Il y a un joker que si vous me le dites, j'accepte. Non, il y en a même plusieurs. Parce que le noir et le blanc, on dit que ce n'est pas des couleurs. Moi, j'accepte. Ouais. Et après, il y a aussi... Rouge et noir. Très bien. Allez, exclusivité, demain, c'est jaune et noir. On ne l'avait pas encore fait, celle-là. Donc, on reste sur le rouge et noir. Oui. Ouais, donc, ça, c'est une couleur qui revient... Le rouge, ouais, c'est la passion. Ouais. Et le noir, c'est le côté rock'n'roll. Ouais. Très bien. Donc, c'est vrai que ça revient souvent. Le rouge et noir, c'est quelque chose qui passe très bien. Et en plus, on sait que vous êtes fan de Jen Mas. Donc, forcément. Mais oui, c'est ça. On cherchait encore. Voilà. Maintenant, on sait pourquoi. Vous osiez pas le dire, mais moi, je l'ai dit à votre place. Très bien. Quel serait le grand délire artistique que vous aimeriez concrétiser dans l'avenir? Par exemple, jouer avec un groupe que, par exemple, déjà, vous allez en concrétiser un, c'est jouer avec The Corettes. Oui. Oui, est-ce ça, qu'il y aurait un autre groupe ou que vous aimeriez bien retrouver sur une scène et... On devait aller en Belgique. Hmm, oui, c'est vrai qu'on avait un beau projet, mais voilà, qui n'est que reporté, c'est d'aller faire un concert en Belgique. Voilà. Sur, on est invité. On avait un endroit, c'était prévu, je ne sais plus en quelle année, en janvier, on a dû l'annuler ce concert en Belgique. Et donc il est toujours là dans notre tête, on va essayer de le recaser. Voilà. Mmh, d'accord. Sur le lieu qu'on avait choisi en Belgique. Donc ça, ce n'est que partie remise. Donc si on veut être au courant un peu de tous les événements qu'il va y avoir avec The Brunettes. Il faut on peut aller voir sur le Facebook. Il y a un Facebook et un Instagram, je crois. Un Instagram. Oui, c'est Mylène qui s'occupe de ça. Hein, Mylène? Insta, Facebook, suivante. Ma Mylène est la plus jeune d'entre nous, donc Instagram, ça vient par le plus. C'est elle qui gère. D'accord. Et Facebook aussi, non? Facebook, c'est Christelle beaucoup qui s'en occupe. Ou chouchoute. Ok. Et si jamais les gens veulent vous contacter pour. Il y a une adresse mail ou. Ah bah oui. Pour vous faire jouer quelque part. Sur Messenger de Facebook. Très bien, c'est le plus simple. C'est vrai que c'est ce que j'utilise aussi. Aujourd'hui, je suis un petit peu dépassé parce que les jeunes nous disent ouais, ça c'est un truc de vieux et tout ça. Oui, mais bon, en même temps, c'est là où il y a encore le plus de monde. Donc c'est là qu'on touche facilement les artistes aussi. Et souvent, quand on cherche par exemple un groupe de la région, on tape sur Facebook, on a pratiquement 9 chances sur 10 de les trouver. Donc voilà, ça nous permet d'illustrer et puis aussi de contacter les gens. Donc avec le Messenger. Donc c'est peut-être la meilleure manière de vous contacter si on a envie de savoir où vous jouez, etc. Ouais. Très bien. Tout à fait, on annonce toutes nos dates effectivement sur Facebook. Voilà, donc on va réannoncer des dates. Donc demain, ça sera... demain, La Grange, avec les Dérapades, le 11 mars, première partie de Corettes, en partenariat avec la Maison de Bégon et l'association Roxette. On en profite pour saluer Christophe d'ailleurs de Roxette, qui nous fait confiance pour ce concert-là. Le 25 mars à Saint-Y avec les VPC. Le 2 juin au Dropkick avec les groupes locaux pour l'association des accordés des patients Z, avec les patients Z. Ensuite, le 10 juin, il se passe une seule chose, c'est le Mavrika Live qui aura lieu donc avec nos amis des Yeti. Voilà. Le vendredi 30 juin aussi, certainement, un beau plateau de l'équipe du Frigo à Trénoux. Très bien, donc voilà, un peu dans la région. On était déjà allé, on a déjà fait des concerts à Trénoux avec les Gone Rockins. D'ailleurs qu'on n'a pas cité jusqu'alors, mais c'est aussi un groupe qui avec qui on a une bonne accroche, voilà, et on a joué au moins deux fois avec eux, je crois. C'est un groupe de tribute AC/DC, donc et puis il y avait une personne qui était il y a pas très longtemps, c'est Igor. Oui. Qui est le guitariste des Gone Rockin, qui était avec nous il y a deux semaines, donc avec le groupe The Gig. Voilà. Voilà. Le monde est petit, hein, c'est vrai que. Oui. On se croise tous. Voilà, donc les musiciens, forcément, quand ils ont la même passion, on arrive toujours à les rencontrer à un moment ou à un autre. Et puis il y en a avec lesquels on a des très bons feelings, c'est pour ça qu'on aime bien aller au concert. Vous êtes du genre à rester à la fin d'un concert, par exemple, aller voir les musiciens, aller les voir, ou alors est-ce que vous aimez qu'on vienne vous voir aussi à la fin des concerts pour discuter? Nous, en tant que spectatrices, on aime bien. On va les enquiquiner, on veut des photos. On veut des photos. Ah oui. Vous êtes du genre à demander une dédicace, des photos. Oui. Ah ouais. Bah ouais. des vrais groupies alors. Ah ouais. Ah bah je trouve ça sympa. On a aimé, on dit. C'est facile de dire quand on n'aime pas, mais c'est bien de dire quand on a aimé. Tout à fait. Ouais. À la limite qu'on n'aime pas, il vaut mieux rien dire. Il hein. y a pas de. Parce que les gens qui font la démarche à la fin d'un concert pour dire qu'ils n'ont pas aimé, ils feraient mieux de se taire. Mais par contre, qu'on aime. On aime, il faut surtout pas hésiter parce que ça, franchement, c'est bien. Ça fait plaisir, ça encourage. Ça encourage, ça booste Ça nous fait du bien. Puis, ça veut dire que les gens ont reçu une bonne soirée et un bon moment. On s'est fait plaisir et voilà. Et puis ça permet d'évaluer le partage qu'on a eu avec le public. Ils reconnaissent le travail qu'on a fait. Ouais, et puis ils vous disent ça, j'ai bien aimé. Donc vous notez, vous dites tiens, ce morceau-là plaît plus qu'un autre. Ça vous permet de vous améliorer. On retravaille la setlist après. Effectivement, on a des morceaux qu'on déplace quand ça marche, quand c'est bien reçu. Il y en a certains, des fois, au fur et à mesure que vous allez avancer, il y en a certains que vous allez mettre de côté, que vous allez peut-être ressortir 10 ans après. Voilà, parce que quand vous serez célèbre, dans les grandes scènes, de temps en temps, reprendre un morceau de vos débuts, c'est. Mais c'est vrai. Voilà, rien qu'à voir le nombre de personnes qui nous ont mis des petits j'aime. Tiens, on va regarder aussi. Alors sur Facebook, il y a des gens qui nous ont donné qui nous ont envoyé. Alors au début, j'ai passé un morceau de Arcadia. Vous vous souvenez, un des premiers morceaux qui s'est passé. Et donc il y a Bruno qui est le batteur d'Arcadia. Le groupe est un peu en stand-by actuellement. Qui fit normalement. Bon, elle a été mis au courant qu'on a diffusé son morceau. Donc il dit Vertical, donc Souvenir. Effectivement, c'est un morceau qui date déjà. Il y a Julien qui est le chanteur d'Arcadia. Voilà, qui est quand je vous dis qu'on peut se vanter d'avoir parmi nos auditeurs les plus grands musiciens de la région. Hein. Il y a Grégory qui est le guitariste. Voilà, comme ça vous avez pratiquement tous les. Oui, ça commence à dater. Donc Eric Duval. Eric Duval, il sera avec nous aussi pour le Maverick Alive parce que c'est lui qui va s'occuper aussi de nourrir les ventres vides parce qu'un concert ça dure longtemps et il sera là donc pour. Merci Malbino de me rappeler que j'ai faim. Ah bah ouais, tu avais oublié déjà. Lui nous met un petit commentaire. La nuit je mens, donc c'est Max Livio qui avait repris cette chanson-là. Max que j'ai vu cet été, d'ailleurs il va falloir que je le convoque à mon bureau pour qu'il vienne parler enfin dans l'émission Mavrica parce que je le connais depuis longtemps, on l'a déjà interviewé par téléphone, mais jamais vraiment en direct dans les studios, donc ça serait vraiment un plaisir de l'avoir. Hervé. Vous le connaissez, c'est Yeti, voilà, le batteur. Ah, mais oui, tu es beau, il fait des bébé. Cœurs. Il fait chanter les cœurs de Tears of Following Night. Voilà, il y a Julien. Julien, c'est le chanteur des Full System. Donc, on en a parlé tout à l'heure. J'étais au concert hier. Il était content de me voir. Bon, si. J'étais content de les voir et on a diffusé un morceau, donc forcément que dès qu'on diffuse des morceaux, les gens nous remercient, alors qu'en vérité c'est un plaisir, c'est nous qui les remercions de nous proposer leurs morceaux pour diffuser dans l'émission Maverica. Il y a aussi Franck des Chili Dogs, voilà, on en parlait tout à l'heure. Et merci Albino parce que forcément on a passé un morceau aussi des Chili Dogs, voilà ce qu'on fait habituellement. Et en plus Franck, je sais que c'est quelqu'un qui pratiquement à chaque émission il nous met un petit j'aime. Donc après il y en a plein qui nous ont mis des petits j'aime, donc on va pas tous les citer, mais bon on va jeter un œil quand même. Ah oui, ah il y a plein de beaux mondes là-dedans, ça nous fait vraiment plaisir. Je vois c'est pratiquement que des musiciens, pratiquement. Il y en a quand même quelques-uns avec lesquels j'ai fait des émissions. Voilà, en tout cas ça nous fait toujours plaisir. Donc de voir que les gens qui sont venus dans l'émission Maverica s'intéressent après à l'émission et on essaie de former une synergie avec tous les groupes parce que vous avez parlé justement des groupes du frigo, il y en a d'autres qui nous parlent d'autres groupes et vous vous connaissez pas forcément, après vous finissez par vous croiser et finalement voilà, ce qu'il faudrait c'est réunir tous les musiciens de la région pour justement quand il y a un bon plan, voilà, on a joué avec tel groupe, c'était super, là maintenant ils cherchent quelqu'un, on va leur proposer ceci cela, c'est comme ça que ça fonctionne, donc voilà, donc une bonne entente parmi les musiciens. Et des fois, c'est vrai que c'est un petit peu une rivalité aussi. Donc, des fois, certains, ils n'aiment pas trop. Mais non, moi, je trouve que c'est justement bien d'encourager. De façon générale, il y a beaucoup de solidarité. Enfin, Oui. C'est plutôt une bonne ambiance. On aura toujours des jaloux, hein, parce que c'est sûr que être aussi bon que les brunettes, ça permet à tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde. Voilà, donc on a recalé encore des morceaux parce qu'on en a encore quelques-uns. On va les faire deux par deux, je pense. Hein. Ouais. Donc le prochain morceau, c'est Get Over You. Ouais. Des Undertones. Undertones. Voilà. Vous allez en parler un petit peu avant ou après, comme vous voulez. Ouais, c'est un groupe punk. Qu'on avait vu à Brest aussi. Ouais. À Saint-Brieuc. À Saint-Brieuc. C'est à Bretagne. Hein. Ouais. Ouais. Non, c'est parce que. Ouais, qui, bah, qui, ouais, qui est repris par. Ils ont des groupes, les Yeti reprennent pour ouais, les Undertones, les Twister Cover ouais. aussi, mm-hmm. Qui est bien repris, mais vraiment, voilà. Bah vrai. Oui, on est fan. On est fan. Mm. C'est hyper carrément. Mélodique. C'est du rock péchu aussi. C'est hein, du punk. C'est voilà. du punk, voilà, parce qu'on parle de rock'n'roll, mais le punk aussi ouais, de ouais. rock'n'roll. Hein, il faut... Bah oui. Sauf, avec la pêche. Non, mais je fais très attention parce que des fois, moi, j'ai déjà reçu des gens ici qui faisaient du métal. Je dis, ouais, mais le métal, c'est du hard rock. Ah non. Ah bon, pour moi, c'est, le métal, c'est un peu quand même du rock qui... Non, non. Ok, bon, bah... parce que moi, j'essaie de classer. Bon, on classe, en France, on a tendance à classer un petit peu tous les styles. On devrait pas. Bon, parce que c'est vrai que quand c'est bien, c'est bien. Et des fois, on a envie d'écouter des morceaux très péchus. D'autres fois, le même morceau peut être mis en slow, quoi, en balade, hein, rien n'empêche. C'est la manière d'interpréter qui fait les différents styles. Mais les morceaux, quand ils sont bons, souvent, ils sont bons dans toutes les versions. Hein. Et puis après, le morceau d'après qu'on va diffuser, c'est... Do You Wanna Know? Alors ça c'est les Kids, c'est un Kids. Groupe un punk aussi, hein, belge, c'est un des premiers groupes punk, voilà, 77 je crois. Un des premiers. Il y avait Placide Bertrand aussi. Hein. Bah, oh, il était très punk. Ouais. Et il chantait très bien. Hein. Ouais. Ah c'était pas lui qui chantait, d'accord. C'était lui. Il dansait en tout cas. Alors ça, il avait un beau dress code. Enfin bon, c'est vrai que beaucoup à l'époque, bon, les gens connaissaient pas forcément le punk, c'était quand même réservé à une certaine certaine personne qui était un peu initiée. Et donc c'est vrai que Placide Bertrand nous a fait connaître un peu le punk variété, quoi, on va dire quand même ça. Donc au commun des mortels, et puis qui était bien sympathique, faut quand même le dire. Voilà, donc on écoute les deux mais morceaux. C'est parti d'un groupe Bubble, je crois. Peut-être. Ouais, non, mais c'était un vrai il me semble, hein. Oui. Ouais. Donc, on va écouter les deux morceaux à la suite. Et puis après, si vous voulez en parler, ben, on peut continuer à développer un petit peu. Voilà, on est dans l'émission Mavrika et on va écouter un petit peu de musique. I know your name. Do you want to phone? Voilà, merci d'écouter l'émission Marika. C'est tous les vendredis soirs à partir de 19h et on est ensemble jusqu'à 22h. Donc on a attaqué la dernière demi-heure. Voilà, on arrive à... je crois qu'on va réussir à diffuser tous les morceaux qu'on avait prévus. Donc je suis avec les The Brunettes. Elles sont ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On dansait dans le studio là. Mais c'est vrai que la musique était très entraînante. Hein. Franchement, on a écouté deux morceaux à la suite là, qui envoyaient du bois, comme on dit. C'est ça. C'est l'expression. Très bien. Donc, ce qu'on peut annoncer aussi, c'est qu'il y a une personne qui est arrivée dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il vient de l'entendre, mais il nous a fait un peu peur parce qu'il est un peu poilu. Ouais. Enfin, velu. Voilà. Ça. Donc, je pense que c'est l'hiver qui l'a apporté. Ouais. Parce que effectivement, il est descendu du Tibet, c'est ça. Hein. Ouais. Il est tout froid. Il fait un peu peur, d'ailleurs. Ouais. C'est Sébastien des Yeti. Et... Voilà. Alors, il est là, il est venu rejoindre surprise. Justement les copines. Il a fait une petite surprise. Bah oui, comme ça, en fin frigo. De l'émission, ça fait plaisir. C'est exactement l'esprit du frigo. Ouais, c'est spontané, c'est sympa. D'accord, le frigo, l'esprit, le Yeti. Yeti, il est venu du frigo, c'est pour ça que... Et ouais. On a la chance, nous, à Orléans, d'avoir un groupe qui s'appelle Yeti. Voilà. Bah oui. Très bien. D'ailleurs, j'ai calé un morceau. On lui demandera tout à l'heure, parce que là, effectivement, il y a pas assez de micro et pas assez de casque pour tout le monde. Mais on lui demande, et je sais pas s'il nous entend parce qu'il nous voit en train de marmonner, mais il sait pas ce qu'on dit d'ailleurs. C'est le moment, hein, c'est on le peut moment. En profiter pour dire des bêtises sur lui. Et on va lui demander quel morceau on va écouter justement de son dernier album que je tiens entre les mains. Dernier album des Yeti. Quel morceau tu veux qu'on diffuse? Voilà, on fait ça en direct. De toi, de vous, des Yeti. Donc le numéro 1, c'est le plus simple. Le numéro 1. Numéro 1, voilà, très bien. Alors c'est vrai que j'ai passé, c'est la semaine dernière, j'avais passé Video Kill the Radio Star, voilà, ce fameux morceau des Buggles qui avait été repris. Donc, c'est des bêtises hein, ce qu'ils ont dit, parce que on avait peur qu'à un moment les stars de la radio disparaissent, mais c'est parce qu'ils savaient pas qu'il y aurait l'émission Mavrika et que donc les stars de la radio sont toujours ici sur Radio Arc-en-Ciel et que sur 96.2 MHz, on continuera à diffuser du rock'n'roll aussi longtemps qu'on pourra et vous pouvez aussi nous écouter sur radio-arc-en-ciel.fr. Si vous tapez .com, ça marche quand même. Donc, on a déjà essayé hein, par erreur. On s'était trompé, mais ça marche quand même. Donc, allez sur le site et vous pouvez écouter l'émission. Vous pouvez voir plein de choses sur les émissions de Radio Arc-en-Ciel, tout simplement. Et puis, je voulais en profiter pour faire aussi un petit coucou à notre ami Florent. Alors, Florent, c'est la personne qui fait les podcasts. Dans l'émission Mavrika, y a des podcasts, comme toutes les émissions qui sont faites dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et notre ami Florent les enregistre et après, il nous donne le lien pour qu'on puisse écouter l'émission si on l'a loupée. On peut la réécouter si on l'a appréciée. Et puis, la télécharger si on a envie de garder des bons moments partagés avec nos invités. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Florent. Et d'ailleurs, Florent, il a envie de connaître un peu plus, donc je lui ai envoyé le lien de nos invités qui sont les Brunettes ce soir. Ah, merci. Voilà, merci. Voilà. Donc, il va peut-être continuer à vous suivre, j'en suis certain. Et comme ça, vous aurez aussi le podcast de l'émission Mavrika consacrée à The Brunettes. Voilà. Donc, on a choisi le morceau pour écouter de Yeti. Sébastien, on aurait bien aimé le faire participer un petit peu, mais il nous entend pas. Il entend. Bon, il entend un petit peu. Donc, ce que je propose, c'est qu'on écoute justement le fameux morceau Life is Trust, et c'est le morceau numéro 1. Alors, je sais pas si vous avez remarqué sur la couverture, on les reconnaît pas, les Yeti. Hein. Regarde, ils sont dans une télé, mais on les reconnaît pas. Ils se sont rasés. Enfin, il y a une bonne bande de personnes qui sont plus qu'appréciées actuellement, surtout. Et puis, on va écouter donc ce morceau, et puis après, on se retrouve dans les studios Radio Arc-en-Ciel avec The Brunettes. Voilà, on envoie tout de suite le morceau. Il s'est pas endormi, c'est bon, on peut lancer. Voilà, toujours autant de plaisir à écouter un morceau des Yetis. C'est un groupe que je suis déjà depuis pas mal de temps et je suis toujours aussi fan. Donc Sébastien est venu nous rejoindre tout à l'heure. Il va rester avec nous pour l'after. On va faire des photos ensemble. En fait, il est venu pour ça. Sur... il est venu pour boire un coup. Ouais, c'est ça. Ça a terminé là, on se connaît plus. En tout cas, ça bosse les Yetis en ce moment. Quand, voilà, c'est votre prochain concert, les gars. Le 24 février, je crois. Ah bah. 24 février, ils ont fait un gros boulot là dernièrement. Faut aller les voir, faut voir ça. Donc le 24 février. Qu'est-ce que ça fait ? Non ? C'est quoi ? Oui, le 24 février, oui, ça sera. Ah bah voilà, voilà. Donc je pourrais malheureusement pas y aller, mais bon, parce que moi je serais occupé avec Anaïs from Paris, voilà, ah, l'invité ouais. Qui sera là très prochainement. Elle vient de Paris, donc je vais pas lui faire faux bon. Tu l'emmènes ouais. Après, ça dépend du temps. Sur la nuit. Ah ouais. Bah, ça nous est déjà arrivé. Et dans l'histoire de l'émission Mavrika, ça nous est déjà arrivé. Une fois, j'étais venu faire l'émission, et à cette époque-là, j'avais des chroniqueurs. Et les chroniqueurs ont pris ma place et pendant ce temps-là, on m'avait invité, sans me le dire, à un concert de Axel Bauer. Donc j'avais été à un concert de Axel Bauer et comme à l'époque l'émission durait très très longtemps, après l'émission je suis revenu après le concert. Axel Bauer ? Non, je suis revenu tout seul, mais bon, je suis revenu et j'ai repris le contrôle de l'émission. On a continué encore quelques temps. Donc il y a des choses bizarres qui se passent hein, quand même dans l'émission Mavrika. En tout cas, ça, je remercie Alain Tessier, c'est lui qui avait eu l'idée de me faire cette surprise. Et donc on s'est absent de tous les deux pendant l'émission, pendant que les autres faisaient l'émission, et nous on avait été voir Axel Bauer. Voilà. Donc un bon petit souvenir. Très bien, on arrive à la fin de l'émission, on a encore des morceaux à diffuser, on en parle des deux autres morceaux qu'on va passer, non ? Et après on va être obligé de faire des heures supplémentaires. Oui, Russian Roulette, c'est Lords of the New Church, c'est un groupe, ça, ouais, vraiment britannique. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu parler de ce groupe-là, et pourtant ouais, c'est vrai. Qu'on adore, qui nous a fait aussi un peu travailler nos cœurs. Voilà, c'est avec cette cover. Et puis Get Over You aussi, on a commencé à mettre un petit peu plus de travail sur les cœurs. Donc on est 6 à faire les cœurs. Et voilà ce que nous apportent aussi les morceaux. D'accord. Et le morceau juste après, parce qu'il y en a encore un autre. Ah bah, alors là aussi, The Kids qu'on a entendu tout à l'heure. Ici, là, c'est Gary Gilmore Eyes, des Adverts. Là d'accord. Aussi, The Kids, on l'a déjà entendu. Ouais. Ah, c'est moi qui suis perdu. J'ai lu sur le truc. Donc, on va t'aider. Oui, il faut m'aider justement parce que là, du coup, je me suis égaré. Voilà. Donc, après le morceau, donc on va passer après que je vais caler, que tu vas me dire tout de suite. Gary Gilmore Eyes. Voilà, c'est ça. Des Adverts. Ok, c'est parti. Donc on écoute. Le... Gary Gilmore Eyes. Ah non, c'est Russian Roulette. Encore deux morceaux choisis par The Brunettes. On arrive à la fin de la programmation, on est pile poil. Hein. On va dépasser de quelques minutes, mais ça, dans l'émission Mavericka, on n'a jamais su respecter les horaires à la seconde près. Donc, c'est pas un souci. Donc, on a l'habitude. Voilà. On a écouté deux morceaux et ça me fait plaisir parce que c'est vrai, The Lords of the New Church, ça fait un petit moment que je n'avais pas écouté ce morceau-là et ça me rappelle des très bons souvenirs. Donc c'est vrai, c'est bien de mettre à l'honneur comme ça des morceaux que les gens ont un petit peu oubliés comme ça. Et voilà, ça nous les rappelle. Donc The Brunettes le font très bien. Voilà. Non, mais c'est vrai que on parlait aussi des retours qu'on pouvait avoir à la fin des concerts. Et morceau-là particulièrement, c'est exactement ce que tu nous dis. Ça me rappelle des souvenirs. Oui, c'est vrai qu'il y a comme ça des souvenirs qu'on a pourtant bien appréciés, mais finalement, c'est tombé un peu dans l'oubli. Et puis que dès que on nous le rediffuse, hop, ça nous rappelle plein de souvenirs, ça évoque plein de choses. Et pourtant, c'est vrai que c'était enfoui un peu. peu. Hein. On a tellement de souvenirs qui se fabriquent les uns sur les autres qu'au bout d'un moment, on oublie certains qu'on voudrait pas. Hein. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Donc voilà, maintenant, on a écouté pratiquement tous les morceaux. Bon, tous les morceaux qui étaient prévus, hein, on va dire ça comme ça. On en a gardé un pour la fin, c'est un morceau des The Brunettes. Voilà. C'est ça. On va en profiter pour rappeler les dates donc, de concert. Donc c'est à vous de travailler. Chouchoute. Alors, elle se renvoie la balle, elle se regarde. Les dates, c'est dur. Alors demain, c'est La Grange à Nouhans-sur-Loire. Mais c'est complet. Y a plus de place. Et c'est complet, mais on le reprécise. Le 11 mars à Blois. Donc à la Maison de Bégon, organisée par Roxette. Ensuite, Saint-Yves le 25 mars avec les VPC. Mmh. Et puis après, le Dropkick le 2-3 juin. Voilà. Et Trénoux, c'est 30 juin. 30 juin, avec des copains qui seront à confirmer après, mais on retrouve toutes les dates sur Facebook. Très bien, donc sur le Facebook, bientôt il y aura aussi le podcast, notre ami Florence s'en occupe, on l'aura assez rapidement, il m'a dit avant lundi. Et c'est vrai qu'il est très, très rapide. Et merci Florence, c'est vrai que c'est très important pour nous hein, de garder des bons souvenirs. Donc il y aura les enregistrements de l'émission, il y aura aussi des photos qu'on va faire tout à l'heure. Et puis on va rappeler aussi, tiens, une date en plus, c'est le 10 juin, parce que je pense qu'il se passe quelque chose. Il y a quoi, surtout, le 10 juin voilà. Africa, on fait qu'on savait. Pas, on dit qu'est-ce qui se passe le 10 juin que se passe-t-il que se passe-t-il donc le 10 juin il y aura le Mavrika Live et donc on a eu les réponses de tous les artistes que j'avais invités dont le groupe Yeti donc Sébastien est là, il nous a dit on a vu ton annonce, on est partant, donc voilà, on peut l'annoncer dès maintenant. Il y aura donc le groupe Custom, il y aura le groupe Melody Road et il y aura le groupe Duke en plus de Yeti. Voilà, quatre groupes dans la même soirée. Donc, venez avec nous passer un bon moment. Le plus important pour nous, c'est de passer des bons moments et de fabriquer des souvenirs avec les meilleurs artistes de la région, il faut quand même le dire. Hein. Donc, au fur et à mesure... La crème de la crème. Voilà. Glacée. Donc, cette émission arrive à la fin. Merci. Merci beaucoup de vous mettre d'être venus. Ouais, gentil. On voit qu'elles ont faim. Elles ont faim. C'est le stomach qui parle. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. En tout cas, merci beaucoup d'être venus. C'est vraiment un plaisir. De faire l'émission, merci, le temps est passé très vite, et quand le temps passe très vite, c'est qu'on passe des bons moments. Bah oui, quand le temps paraît long, c'est que des fois on dit ouais, on s'ennuie un petit peu, mais là ça n'a pas été du tout le cas, en tout cas pour ma part. J'espère que pour vous ça a été aussi, et j'espère aussi que pour les auditeurs. Mais nous, ça a été un plaisir, c'était très sympa. Voilà, n'hésitez pas à faire des petits retours sur Facebook de l'émission si vous avez envie, et surtout si c'est positif, ça nous aide aussi. Voilà, mais ça, j'ai compris. Sinon, de toute façon, le webmaster, donc c'est moi qui je vire quand ça me plaît pas. Non, ça m'arrive jamais. Hein. Franchement, on a toujours des bons retours. Et les gens qui nous suivent. Ouais, bah oui, on est. Nous, on attire les gens gentils. Voilà, on aime ça. On va dire les phrases magiques. À la fin de chaque émission, on dit toujours les mêmes phrases magiques depuis des années déjà. Alors, c'est que le rock'n'roll soit avec vous. Hein. Everything is gonna be alright. Et la troisième, c'est une vie sans musique serait une erreur. Ça, c'est les phrases magiques de l'émission Mavrika. On les dit à chaque fois. Ça m'est arrivé quand même des fois de rendre l'antenne en oubliant de le dire. Mais cette fois-ci, on y a pensé. Donc, j'espère. Mais on me reprend souvent. T'as dit ça, mais c'était mince. Ok, d'accord. Ou alors j'ai fait les gens, mais ils me reprennent. Hein. Oui, c'est vrai. Ça m'arrive des fois même en direct. Donc, on arrive à la fin de cette émission. C'était l'édition numéro 538. Ça, c'est bien ancré maintenant. Donc, c'était votre première entrée dans l'émission Mavrika. Donc, maintenant, vous faites partie de la famille et vous revenez quand vous voulez. Merci. Et continuez comme ça parce que c'est un plaisir de vous voir sur scène. Donc, dès que j'aurai l'occasion, j'irai vous voir à nouveau. Ainsi que nos amis, les Yeti et tout ça. Voilà. Voilà, cette émission se termine. Et puis, on va écouter donc le dernier morceau que j'ai même pas calé en plus hein. Moi, parce que j'ai mis tous les titres du programme, ils sont sur le Facebook, et du coup j'ai pas calé le dernier morceau, donc je compte sur vous pour meubler les quelques secondes. Il s'agit d'une compo des Brunettes qui s'appelle Heartbreaker. Et oui, et juste le temps d'envoyer le morceau. Allez, à la prochaine, à la vendredi prochain. Merci. Allez, salut, merci. you say what I need to say to you forever. You say maybe I'm gonna cut my world like a fire. That's all there is a voice to say in my head. Thank you to me that I'm about to cross from my brain. Heartbreaker. You say you never did not touch a thing before. Say you wanna live this real good forever. Say you never meant to come my way, but where am I at? Don't think that me is the speaker. I bet there's something more than you. Des étoiles plein la tête. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Por absentismo e mesmo por presentismo, conceitos que Eduardo Carqueja explica. O absentismo é eu não ir ao local de trabalho, por uma razão, e aqui nesta situação.